Les scientifiques ont nommé deviner la chanson ici. Tu sais, on connaît l'émission, on connaît la chanson avec que de Toon Kitten là. Chose là, TVA. Je pense que ça vit pas. J'ai pas écouté, par exemple, je sais pas. Ben peut-être. Hein? Donc, les scientifiques ont nommé une chanson comme étant la chanson la plus accrocheuse de tous les temps. La chanson la plus catchy, accrocheuse, là. Go for it, nomme-la. Vas-y. Devine. Demain. Chanson la plus catchy au monde. Je sais pas. C'est par Queen. Queen. Ouais. C'est super aigu. Ouais. We are the champion. Are the champion. Super catchy, hein, ça? La plus catchy du monde, je dirais peut-être. Ouais, pas, c'est mais... ça, je sais pas. En Tu t'es toujours demandé, François-Olivier, les souliers britanniques, ils ont un système différent pour calculer les grosseurs de pieds. En Grande-Bretagne. Ouais. Tu savais ça? Oui, exact. T'as un petit tableau, des fois, dans les magasins de souliers, etc., etc., pour ceux qui ont des souliers fancy dans un magasin fancy. Donc, pour calculer ça, tu multiplies la longueur de ton pied en pouces, d'accord? Tu multiplies ça 3 fois, et ensuite, tu soustrais 25. Ou encore, pour les enfants, tu soustrais 12. Donc, tu prends la longueur de ton pied en pouces, multiplié par 3, soustraire 25, ça donne la grandeur britannique des souliers. Hein? Personne ne veut retenir ça, mais c'est le cas quand même. La personne qui a fait le design, qui a inventé le tube de chips Pringles. Pringles, on connaît ça? Tu peux pas en manger juste une, là, comme ils disent. Là. Donc, le tube Pringles, l'inventeur Frédéric Bauer. Hein? Comme Jack, là, mais un autre Bauer. A demandé à ce que ses cendres... Oh, ça veut rien dire. Qu'ils soient enterrés dans ce contenant célèbre. Donc, meurt, brûlé, dans une canne de Pringles, vend ça pas cher. Vend ça pas cher. À saveur de mort. Bon. Et on termine avec... oui, des blagues qui... Pourquoi je fais ces blagues-là, je sais pas. Donc, un Sharpie, un vieux Sharpie qui serait asséché, peut être ramené à la vie en trempant le bout de ce Sharpie-là dans de l'alcool à friction. Fantastique. Fantastique, non? Fantastique. Mais voilà. Depuis le temps. Comme ça, tu pourrais indiquer sur la canne, ici, il y a un mort dedans. Ne pas mort. Ouais. Avec ton Sharpie. Voilà pour la chronique, c'est un fait. Hey, merci, Mathieu. J'avais pas précisé que c'était mes quickies du lundi, mais apparemment que c'était ça pareil. Hein? Mes quickies du lundi, parce qu'ils sont plus courts. Bon. Très débiles. Pas d'informations superflues. Voilà. Non, aucune. S'il vous plaît. No superflu. Voilà. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 7h à 9h et le dîner de con de 11h à 13h. Replongeons dans le dîner de con un certain midi cette semaine. Et puis, je vous ai préparé quelque chose. Ça fait à peu près 3 ou 4 émissions que je repousse et que je repousse parce qu'on n'a pas assez de temps. Eh bien, je repousse quoi? Eh bien, ce diaporama sur la torture moderne. On part ça. Je vous invite déjà à vous rendre sur la page Facebook du Dîner de con. Premièrement, allez inscrire que vous likez, que vous aimez la page Facebook du Dîner de con. Je vous le demande. Je vous l'ordonne pas, hein, parce que quand on est obligé de faire quelque chose, on le fait jamais. Puis c'est toujours plus plate. Mais donc, je vous le propose. Et là, on est rendu à 97 personnes. Je le sais, c'est presque rien. On veut faire monter ça, là. Au moins toucher le 100 quand même, s'il vous plaît. Et puis, ben c'est ça, on est dans cette campagne de promotion du likage de la page Facebook du Dîner de con. Allez-y, tous ensemble, là. 1, 2, 3, go. Et on part ce diaporama qui nous parle de la torture moderne. Je vous en parle aussi, bien que rendu illégal, bien sûr, par la Déclaration universelle des droits de l'homme en 1948. Eh bien, la torture est loin d'avoir été éradiquée de la surface du globe, utilisée depuis des siècles, sans cesse perfectionnée et raffinée. La torture subsiste un peu partout, souvent pratiquée par des dictatures, mais aussi par des démocrates, comme la France au cours de la guerre de l'Algérie, ou les États-Unis dans sa croisade post-11 septembre, je m'en ai dit, post-9-1-1. Pour tout ça, eh bien, je vous propose ce tour d'horizon de quelques techniques de torture qui ont survécu, à l'art moderne. Et on lance le diaporama à l'instant. Vous êtes prêts? Donc, on commence comme ça, avec cette musique. C'est tout à fait dans le ton pour parler de torture. Donc, le waterboard, utilisé depuis l'ère coloniale, la technique du waterboarding est encore assez populaire de nos jours dans la lutte contre le terrorisme. Elle consiste à attacher un prisonnier sur une planche ou une table et à lui verser de l'eau sur le visage. Ainsi, les tortionnaires reproduisent une sensation de noyade et la pratique peut créer des problèmes aux poumons et au cerveau et qui sont après irrémédiables. Quand même assez terrible, cette table de torture. Sinon, on a le téléphone de Tucker, un téléphone qui ressemble, ma foi, à un véritable téléphone. Par contre, un téléphone antique, là, tout en bois, avec des petites des clochettes et des petites manivelles. Donc, il a été créé, cela ne s'invente pas, par le docteur A.E. Rowland, pardon, dans les années 60, à la ferme Tucker, une prison de l'Arkansas. L'instrument de torture est un téléphone dont certaines pièces ont été modifiées et actionnées par une manivelle. Le générateur électrique du téléphone, ça actionne par manivelle le générateur électrique du téléphone qui, grâce à un branchement de fil, inflige des décharges à la personne interrogée. Bonne idée! On suit, on s'en va vers autre chose. Cette fois-ci, le teaser gun, on le connaît, le teaser gun, maintenant qui se décline en plusieurs couleurs pour aller avec votre petit gaminet ou votre une pièce. Eh bien, le teaser, normalement encore jamais utilisé comme accessoire dans un interrogatoire, pourrait par contre très bien servir dans ce genre de circonstances. Cette arme utilisée par la police délivre un électrochoc qui provoque une perte de contrôle des muscles et est aussi à l'origine de certaines morts suspectes. On le sait, la compagnie Teaser est sous enquête. Donc, le Cat O' Nine Tail, c'est un fouet, OK? Avec au bout des genres de broches de barbelés. Il y en a 9. Il y a 9 broches de barbelés avec une poignée. Donc, un fouet pas très gentil. Donc, c'est un instrument de torture qui est encore utilisé comme châtiment dans certains pays. Ce martinet, pouvant être à la fois agrémenté de fils barbelés au bout de ses lanières, peut entraîner la mort. Il est populaire du côté de l'Antigua, le Barbuda, la Barbade, Trinidad et le Tobago. OK, on n'ira pas là en vacances. Sur ce, ensuite, la torture moderne nous présente la torture des ongles. Oh. OK, à partir des années 50, le pouvoir du Shah d'Iran prend une tournure plus autoritaire. Et pour inaugurer ce changement, il crée, avec l'aide des USA et d'Israël, le SAVAK, un service de renseignement qui avait pour habitude de torturer les ongles à l'aide d'une pince et etc. lors d'interrogatoires. Donc, on s'amuse avec vos ongles, on les vire, on les arrache, on s'amuse avec. En tout cas, on fait du bricolage avec vos ongles. En tout cas, ça doit être écoutant. Ça, c'est officiel. Le pilori, le fameux pilori qu'on connaît hein, depuis comme... Quoi de mieux pour humilier publiquement au Moyen Âge que le pilori qui est installé sur les places. Les personnes attachées dessus recevaient en pleine figure des jets de fruits pourris, des œufs, des pierres, etc., du sable, n'importe quoi. Il a été utilisé dans l'État du Delaware jusqu'en 1907. Hein? 1907, c'est pas si loin, c'est près à peu près 100 ans. Il y a même pas 100 ans. On a le picana. Qui me fait, d'après moi, là, juste avec l'image, je vous explique le picana. Ça me semble être un lit, OK, où on a retiré les matelas, donc la structure de fer. Et puis, ben, on met de l'électricité dedans, d'après moi. On va aller voir. Inventé dans les années 30, il délivre une faible décharge à la victime afin de faire durer le supplice durant plusieurs heures. Le corps des personnes torturées, donc, était en plus aspergé d'eau pour améliorer la conductivité électrique. Bonne idée, ça fonctionne mieux. Un peu d'eau, toujours mieux avec l'électricité. On a le branding iron. OK, cette technique est, pour ainsi dire, très, très ancienne. Elle infligeait à la personne une marque qu'elle gardait à la vie sur son corps. Dans le fond, elle était marquée au fer rouge. Souvent, elle était l'apanage des prostituées au temps des rois. De nos jours, la police malaisienne serait encore partisane de cette pratique pour dénoncer l'opposante politique Teresa Koch. Ah bon, je ne connais pas, mais bon, ça fonctionne encore, le marquage au fer rouge. Qu'est-ce qui est... Oh, ça, c'est une belle machine. Le cattle prod, qui me fait penser à... Je pense que c'est un bâton électrique pour contrôler les trucs de bétail. On va aller lire, on va aller voir. Aiguillon à bétail, tout à fait, est un autre instrument de torture moderne. Il a été utilisé dans les années 60 lors du mouvement des droits civils. Et une vidéo nous offre une belle démonstration et du potentiel de cet instrument. Je mettrai le lien sur la page Facebook du Détecon vers la vidéo parce que ça me semble assez extraordinaire. Et puis sinon, on est rendu à quoi dans notre... à la dixième? Le strapado equipment. Dans le fond, ça prend pas grand-chose. C'est un poteau avec des straps. Les bras de la victime sont attachés derrière le dos avant de les suspendre en l'air. Cette technique, encore utilisée de nos jours, est juste une entrée en matière. Souvent, elle est accompagnée de décharges électriques. Elle a été utilisée lors de différents conflits, ces dernières années. C'est merveilleux. Ça montre le côté noble de l'homme. Toutes ces belles techniques de torture moderne. Bravo. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Assemblage requis. Mais quand même, c'est le moment d'accueillir... Qui donc?

birds and bees and places you would rather be, I know. So I'll sing softly, the pipes are calling. I'll sing so softly and guide your ears so you can hear a smile. Just the stillness of the night. Take me down to the water, fill you up with the deepest of sorrows. That's my man, that's my brother, Sean Alive. On my own, Sean Alive. On my own, Sean Alive. On my own, shine a light. on my own. was never and will ever be your own. La pièce Through Ivory Teeth de Boreal Sun. Nous avons entendu Jasper de Aiden Knight avec Dan Mangan. On a débuté avec Venture Song par le groupe The Oh Darling. C'est dans le bloc Kiwan en cavale. On remercie encore une fois Kiwan qui est en direct de Medicine Hat ou encore où on appelle les gens les chapeautés médicamenteux. Ouais. Medicine Hat. Non? Donc voilà, et puis d'ailleurs, il fait très chaud, hein? On l'envie tous. Oui, en ce moment. Hey, il se plaint-tu, lui? Il se plaint de vendre plein, toi? Hey, à 34, là. Oh, il fait chaud, mais tu sais, c'est correct. Ouais, c'est correct. Est-ce qu'on échange avec lui? On va faire l'émission en direct d'une station universitaire là-bas. Puis... J'aimerais bien, ouais. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 7h à 9h et le dîner de cons de 11h à 13h. Replongeons dans le dîner de cons un certain midi cette semaine. Un fonctionnaire sicilien qui est payé pour déblayer la neige en été. Hein? On le sait comment que c'est bien brillant, toujours, le système politique. Et puis, on voit un autre bel exemple ici. Donc, déblayer la neige par 30 degrés à l'ombre, c'est possible lorsqu'on travaille en Sicile. Selon le quotidien La Repubblica, le fonctionnaire Salvatore Di Grazia, travaillant à Palerme, a en effet été payé en heures supplémentaires de mars à août dernier pour effectuer cette tâche très laborieuse sous un soleil de plomb. Au total, l'homme a déclaré plus de 350 heures supplémentaires à déblayer la neige à plus de 30 degrés. Employé donc de la protection civile provinciale de Palerme, Di Grazia a demandé 17 heures supplémentaires en avril pour le déblaiement de la neige, alors que la température n'est jamais descendue en dessous de 10 degrés. Les autres mois ont encore été plus enneigés, puisqu'il a déclaré 50 heures en mai, 38 heures en juin, 44 heures en juillet, 200 heures en août. Et à cette époque, la température dépassait les 30 degrés à l'ombre. Sur toutes ces heures déclarées, Salvatore Di Grazia a tout de même obtenu le paiement de 45 heures. La politique n'a donc pas visiblement été adoptée dans toutes les régions de l'Italie. A quand même assez spécial d'être payé pour déblayer la neige en été. Cette fois-ci, un homme accidenté ordonne aux pompiers d'enlever leurs bottes pour ne pas salir leur voiture. Donc, les pompiers s'étaient arrêtés sur la route RD 900, à un accident. Donc, et pour libérer l'automobiliste, ils devaient le désincarcérer. L'homme était blessé à la tête, aux membres, mais conscient. Il a accueilli les sauveteurs en les injuriant comme du poisson pourri. En italien, les 10 sauveteurs s'apprêtaient à le désincarcérer, pardon. Et puis, ce jeune homme, passablement excité, est toujours prisonnier de l'habitacle lorsque ce dernier disait entre les shots où il l'aidait, il les insultait sans arrêt et il leur disait d'enlever leurs souliers pour ne pas salir sa voiture. Hein? La nouvelle est assez simple et assez conne, et puis c'est celle-là. Maintenant, midi 17, on va aller en musique, et puis je vous fais découvrir, je ne sais pas si vous connaissez cet artiste, mais je l'ai découvert en fin de semaine, peut-être en retard, mais ça vaut vraiment la peine. Si vous ne le connaissez pas, je vous dis, ouvrez bien vos oreilles. Il s'appelle Skrillex, il s'en vient bientôt à Montréal. La pièce qu'on écoute, eh bien, First of the Year, on écoute ça à l'instant dans le dîner de con. Vous allez voir, ça torche sur un moyen temps. Profitez-en, une vraie pièce de party de malade. En plus, la vidéo est très, très beau. Allez voir ça. Je vais mettre le lien sur la page Facebook du Dîner de cons, si vous voulez. We'll be right back.

OK. Bon. Là, on va trop loin. Merci beaucoup, Xavier, encore une fois. Ça fait plaisir. À la semaine prochaine. Hey, on a-tu du fun avec les jeux de mots et les blagues osées ici, là? Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Replongeons dans le dîner de con un certain midi cette semaine. Tiens donc, on parle ici d'un biscuit vendu aux enchères à 1400 euros. Oui, vous avez bien entendu, un biscuit vendu aux enchères à 1400 euros. Donc, ce biscuit surchargé en lait et en protéines a été emporté par l'explorateur Ernest Shackleton dans une expédition vers le pôle sud entre 1917 et 1909. Hein, un biscuit qui a voyagé donc au pôle sud. C'était alors un moment difficile pour toute l'équipe qui était rationnée, mais Shackleton avait donné à un camarade ce biscuit. Ce dernier écrivit ensuite dans son journal de bord, ce biscuit valait tous les trésors. Pour lui, donc, il avait une valeur inestimable, mais il ne pouvait pas imaginer qu'un jour, ce biscuit serait finalement retrouvé au camp de base, ce qui l'intéressait. Donc, ce qui l'intéressait à un collectionneur pour le prix réel de 1400 euros et qui l'intéresserait, pardon, j'étais un peu subjugué par la photo de ce cookie un peu séché. Quand même, hein, c'est la maison Christie qui prenait les enchères et non Christie. Je ne sais pas si ça a rapport avec les célèbres biscuits Christie de M. Christie. Hein? On ne le sait pas. Donc, un biscuit à 1400$ qui date de 1907, entre 1907 et 1909. Donc, ici, un autre petit truc tout à fait inutile. Un jeune homme qui roule 9 mètres sur des bouteilles. Je vous explique. La vidéo est déjà en ligne sur la page Facebook du Dîner de con. C'est le sportif Lutz Eichhol qui vient de battre son propre record. Donc, il reste le grand détenteur du record du monde de la plus grande distance parcourue sur des bouteilles vides en monocycle. Il a réussi à rouler sur 8,93 mètres, soit l'équivalent de 127 de bouteilles de bière une après l'autre. Il roule sur les goulots. Okay, les bouteilles sont debout et il roule dessus. En se balançant sur son monocycle, il a ainsi amélioré son précédent record du monde qu'il avait réalisé en début d'année avec près d'un mètre de plus. La première fois, il avait fait environ 8 mètres, 7,99. Ce jeune Allemand, âgé de 25 ans, vient donc d'inscrire son nom dans le célèbre Guinness Book pour la seconde fois. Le fait que les bouteilles de bière ne se brisent pas sous le poids du sportif et que son monocycle est sans doute sur le point le plus impressionnant de ce défi. En effet, c'est dans la recherche de l'équilibre que Lutz Eichhol et la résistance, bien sûr, des bouteilles que résident les étapes clé de la réussite de ce record. Pour cette tentative de record du monde, Lutz Eichhol avait choisi la marque de bière Gold Star comme sponsor. Et au-delà de la prouesse sportive, il offre donc une belle publicité à cette marque. Et puis, je vous invite à découvrir l'exploit du jeune homme sur la page Facebook du Dîner de con. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Assemblage requis. C'est-tu ce que j'aime aussi? Vas-y donc. Enseigner des choses que je suis pas sûr que c'est tout à fait vrai, mais que j'espère, parce que c'est sur Internet, on s'entend là-dessus. C'est un fait. C'est un fait, c'est la chronique des choses véridiques, véritables et vérifiables, selon les Internets. Hein? C'est comme les 3V du triple W, ça. Les 3V du... Tu comprends ce que je veux dire? Ben le W, oui. C'est le World Wide Web. C'est le comme la World Wrestling Federation. Oh! Oh! Là, tu me gagnes, là, ce matin. Donc, commençons par quelques petits faits rapides. En 2008, ça veut dire que 8000 bébés sont morts. Et quand ça commence très bien. Lapsus. Merci, sont Mathieu. Nés. Ouais. 8000 enfants sont nés, d'accord? Ouais. De mères qui avaient 45 ans et plus aux États-Unis. 8000 bébés. Ce qui est plus du double de 1997. Donc, en 1997, okay. Environ 4000 bébés de mères qui avaient 45 ans et plus. OK. 2008, 8000 bébés. Quand même, hein? Des quand cougars, même. Ça? Des cougars. En tout cas, on dit ça. C'est Mathieu, hein? Ouais, c'est ça. Donc, psychopath, d'accord? Donc, le chemin de psycho, là, psychose, là. Ouais. Hein? Psychopath, ça fait comme psychopathe, t'sais. Ça, c'est à Traverse City au Michigan. Et Divorce Court, la cour du divorce dans Heather Islands, en Pennsylvanie, ont été déclarés les noms de villes les plus fous dans un sondage en ligne en 2006. Psychopathe comme un psychopathe, puis Divorce Court. C'est bien. C'est bien.

Neil Diamond. Ah, c'est un classique, on aime ça. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Replongeons dans le dîner de cons un certain midi cette semaine. Une bataille entre Minnie Mouse, Dora l'exploratrice, et c'est Bob l'éponge qui était intervenu donc pour sauver la situation. La situation donc pouvait paraître assez comique au début car Minnie Mouse et Dora l'exploratrice se sont battus pendant une vingtaine de minutes le week-end dernier à la Puerta del Sol à Madrid. Minnie a violemment attaqué sa collègue et leur collègue Bob l'éponge et Patrick, l'étoile de mer, je pense, ont tenté une médiation donc pour éviter la confrontation. La confrontation entre ces deux personnages, rapporte le site espagnol QS. Mais le combat surréel n'a pas manqué d'attirer les curieux et bientôt tout un groupe s'est arrêté, bien intrigué. C'est une patrouille de la police qui est finalement parvenue à séparer les deux combattantes, mais cela n'a pas empêché Minnie, furieuse, de continuer à insulter, à cracher et à essayer d'attaquer son homologue de dessin animé, la célèbre Dora l'exploratrice. Hein? Et c'est Bob l'éponge qui a de nouveau joué les héros en se plaçant au milieu pour éviter une nouvelle bataille. Il y a eu du monde ce jour-là et Puerta del Sol. La concurrence est rude, nous dit-on, entre les peluches. Attirer l'attention permet en effet de se faire pas mal d'argent. Dans un bon jour, les choses se passent bien, explique le personnage costumé. On peut faire près de 300 euros. Samedi était un très bon jour et les deux comédiens en sont venus aux mains. Mais comme dans un film de Disney, tout s'est calmé et donc c'est dans le calme et la bonne humeur que chaque personnage a fini sa tâche et sa journée. Donc, se sont terminés finalement à peu près normalement. Mais bon, moi j'aurais bien aimé, je sais pas si il y a pas de film, d'habitude il y a toujours des petites vidéos. Surprenant qu'il n'y ait pas quelqu'un avec son téléphone cellulaire ou son téléphone qu'on dit intelligent. Ça me fait toujours rire, cette appellation. Qui a filmé ça, mais bon, ça a l'air que non. Et peut-être que sur YouTube, si vous faites une recherche, vous allez trouver. Peut-être. On sait pas. Mais bon. Tiens donc, on s'en va midi 25. On va aller vers une autre petite nouvelle dans le monde de l'insolite. Et tout de suite après, on s'en va vers une pause publicitaire. Bon, et c'est une dame qui était sourde, qui s'est entendue pour la première fois parler. Et puis, c'est un événement tout à fait joyeux. Pour la plupart des gens, donc, parler, discuter, écouter de la musique, crier ou encore chanter est totalement normal. Mais pour Sarah Churchman, une Américaine sourde depuis la naissance, tout cela était inimaginable et pour cause d'un implant auditif. Ah non, OK. Jusqu'à temps qu'on pose un implant auditif dans son cerveau, il y a quelques semaines, après quelques semaines de rétablissement, la jeune femme est revenue de l'hôpital pour activer son implant. Filmée par un ami, elle se retrouve rapidement submergée par l'émotion en entendant sa voix pour la première fois à l'âge de 29 ans. Plus de 4,9 millions de vues en une semaine pour cette vidéo qui fait actuellement un véritable carton sur la toile. Bien sûr, YouTube hein, qui possède ça, je vais mettre le lien sur la page Facebook du Dîner de cons tantôt. C'est un succès surprenant pour les médecins et les infirmières qui s'occupent quotidiennement des patients atteints de sourdité. Nous voyons cela tout le temps. A expliqué My Fox Houston, c'est une émission, d'après moi, de télé. Shelley Hammond, qui travaille à l'Envoy Médical, où a été opérée Sarah Churchman. Nous avons été un peu surpris par toute la publicité pour cette personne en particulier. Elle explique également qu'il est difficile pour le public d'imaginer ce qu'a pu ressentir Sarah lorsqu'elle a entendu sa voix. Quand vous avez une audition normale, vous ne pensez pas à ça. Vous n'avez pas à y penser. Ces gens arrêtent d'aller à des fêtes, arrêtent de faire des activités, arrêtent de faire un peu tout ce qu'ils aiment. Et puis, on nous dit que c'est un moment très, très émouvant. Ami Pujula a également reçu un implant auditif suite à une opération au cerveau. Une autre dame, elle explique ce qu'elle a ressenti au moment d'entendre sa voix pour la première fois. Durant toute ma vie, elle dit, je lutte contre cette perte d'audition. Puis avec l'actionnement d'un interrupteur, toute cette galère est fini. Un moment émouvant. Elle décrit également le plaisir qu'elle a aujourd'hui d'entendre comme tout le monde. J'aime quand je suis réveillé par une tempête. J'aime entendre le chien du voisin aboyer. C'est comme si quelqu'un avait allumé la lumière et c'est incroyable. Donc, allez découvrir ce petit vidéo. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Assemblage requis. Maintenant, on écoute Sébastien Dulude. Voici sa chronique Va voir ailleurs, j'y suis.

Parcours. Comédien de formation, il monte sur les planches du Théâtre national de Belgique en 1975. Il y joue Roméo et Juliette, l'opéra de Katsu ou encore Faust. En 82, il crée seul en scène un certain Plume de Henri Michaud et rencontre le succès. À partir de 1978, il devient l'animateur d'émissions humoristiques au ton mordant à la RTBF, Lollipop avec Malvira, ou L'Esprit de famille, L'Empire des médias ou encore Les imbuvables et un peu de tout avec les comédiens. Quand même pas n'importe quoi, RTBF qui est comme l'équivalent de Radio Cannes. Hein? Oui, c'est quand même assez gros là-bas. Et donc, un peu de tout avec les comédiens du Magic Land Théâtre. Le 22 mars 1983, sur commande du grand quotidien belge francophone Le Soir, il crée Le Chat, personnage de bande dessinée qui le rendra célèbre. Et bon, pour ce qui est de son parcours, je m'arrête ici parce que Le Chat, c'est bien ce qui nous intéresse ici. Le Chat, c'est une série de bande dessinée qui a été créée par Philippe Gueluc le 22 mars 1983 dans un supplément de journal belge Le Soir qui met en scène le héros éponyme dans de nombreux gags dépassant rarement la page. En effet, les histoires sont extrêmement courtes. Parfois, c'est une seule case. Ça rappelle Garfield. Oui, ça rappelle Garfield, mais l'humour est plus intelligent. Plus fin. Oui, plus fin, exactement, et un peu plus engagé. Cet anti-héros est un chat gris aux oreilles pointues, au gros nez, à la bouche généralement indiscernable. Par anthropomorphisme, il se tient debout et vêtu comme un homme, souvent en trench d'ailleurs, et il boit du muscadet, a des comportements typiquement humains, aller au bistrot, conduire une voiture, et s'adresse directement au lecteur. Bien que le chat soit principalement seul lors des gags, il peut être accompagné par les personnages suivants, qui sont souvent récurrents. Sa femme... chatte qui change parfois d'apparence, parfois sous forme humaine, elle peut rester muette, aussi dialoguer avec ce dernier, ses neveux ou bien ses enfants, quelques souris, Roger le barman qu'on voit souvent Philippe Gueluc lui-même, ou bien parfois son psychologue aussi qui est là dans la bande dessinée. L'auteur se met dans la bande dessinée aussi? Oui. Ah, c'est bien ça. Oui, c'est très drôle. Et donc, le style graphique du chat, en fait, le style graphique de Philippe Gueluc dans sa bande dessinée Le Chat est toujours resté, malgré de légères évolutions, simple et efficace. Afin de servir le discours du chat, lui-même succinct mais riche de contenu, le dessin est resté sobre et net. Les traits noirs sont précis, sans bavure. Les couleurs sont en aplats mais restent variées, du jaune à l'orange pour aller parfois vers un vert sombre ou un violet profond. Il n'y a aucun effet de style particulier. Son dessin pourrait être réalisé uniquement avec un ordinateur sans aucun problème. L'écriture est cependant manuscrite, elle n'est pas dactylographiée. De plus, l'auteur incorpore parfois dans ses dessins des images issues d'anciennes encyclopédies qu'il retouche ensuite légèrement avec du dessin dans un style, bien entendu, très humoristique. Bien à lui. Que j'adore. Il y a par exemple la Vénus de Milo, on sait qu'elle n'a pas de bras, donc elle se plante au trapèze. Des trucs comme ça, c'est génial. Et j'ai ici quelques citations. Moi, je serais Dieu, je démissionnerais pour que plus personne ne se batte en mon nom. C'est bien, c'est bien. Hein, c'est cool. La mort est un peu comme la connerie. Le mort, lui, il ne sait pas qu'il est mort. Ce sont les autres qui sont tristes. Le con est pareil. Ou trop de tiers-mondistes sont des demi-mondains. Oh! Oh! Quand comme mon tu verre... dis, c'est très fin. Hein? Oui, c'est très fin, mais j'adore. Quand mon verre est plein, je le vide. Quand mon verre est vide, je suis plein. Et quand je suis plein, on me vide, mais je me plains. Oh, c'est poétique. Ah, c'est génial. À l'école, en algèbre, j'étais du genre Einstein, mais plutôt Frank Calbert. Ah, OK, Frank Einstein. Oui, c'est con. Oui. Je bouffe de temps en temps des asticots pour assouvir un sentiment de vengeance par anticipation. C'est très, très, très fin, comme on dit, comme humour. On prétend que l'être humain n'emploierait son cerveau qu'à 50% de ses capacités. Personnellement, je n'y crois qu'à moitié. Et puis là, il y en a plein aussi dans le livre que j'ai amené. Je veux pas prendre trop de temps, là, mais mettons, ça commence en partant avec « Un bon éditeur est un éditeur qui médite ». Ouf! Oh, hein? Et là, puis là, c'est le premier que j'ai ici, donc ils sont parfois un peu... moins fine, mais des fois, c'est le côté colon de tout ça que j'aime aussi. Comme le premier gag en ouvrant les pages, c'est pif, paf, pouf. Bon, c'est un bon début. puis il commence de même. Alors, ça peut être très irrévérencieux ou extrêmement fin. C'est tout ce qu'il y a de plus varié. Et pour ceux qui ne connaissaient pas ça, ben, courez à la bibliothèque. Il y a toute la collection, autant Trois-Rivières-Ouest qu'à Trois-Rivières en tant que tel. Donc, Philippe Geluck qui nous sert le chat. Le chat. Merci, Charles-André Lambert. Côté musique, maintenant. Côté musique, on s'en reparlera après l'avoir écouté, mais c'est The Ghost Song des Doors. Profitez-en. Awake. Shake dreams from your hair, my pretty child, my sweet one. Choose the day and choose the sign of your day, the day's divinity. First thing you see. A vast, radiant beach and a cool, jeweled moon. Couples naked race down by its quiet side. And we laugh like soft, mad children, smug in the woolly cotton brains of infancy. The music and voices are all around us. Lake. Enter again the sweet forest. Enter the hot dream. Come with us. Everything is broken up and dances. Indians scattered on dawn's highway bleeding, ghosts crowd the young child's fragile eggshell mind. Oh yeah, c'était The Ghost Song. Oui, c'est tiré de An American Prayer, qui est un disque des Doors qui est posthume à Jim Morrison, parce que en fait, on sait qu'il a enregistré ces textes-là peu avant de mourir, mais c'est par après les Doors qui ont composé cette excellente musique qui sert d'écrin à ces joyaux que sont les paroles de Jim Morrison. Une voix prenante et si... En tout cas, enveloppante. Envoûtante, oui, tout à fait. An American Prayer, sorti en 78, est un disque hommage à Jim Morrison, poète et chanteur. Et donc, oui, qui a été poète et chanteur du groupe Les Doors de 65 à 71. Ce disque compile un certain nombre de ses poèmes qui furent, pour l'occasion, mis en musique par les trois membres survivants du groupe, Ray Manzarek, Robbie Krieger et John Densmore. Cet album concept se divise en cinq actes: Awake, To Corn of Ages, oui, exact, The Poet's Dreams, World on Fire et finalement An American Prayer. Les textes sont lus par Jim Morrison et pour la plupart ont été enregistrés en décembre 70, peu avant la mort de ce dernier. Certaines des musiques de l'album sont originales, tandis que d'autres sont des extraits de musique du groupe déjà existantes, comme Peace Frog, Riders on the Storm, etc. Des bouts d'archives sonores et de concerts viennent parfois agrémenter le tout entre deux textes. Et sinon, bon, les Doors qui se passent naturellement de présentation, mais pour ceux qui viennent de sortir d'une boîte à surprise, il faut savoir que c'est un groupe de rock américain qui a été fondé en 65 à Los Angeles, en Californie, et qui se dissout en 73, deux ans après la mort du chanteur Jim Morrison. Malgré une existence plutôt brève, The Doors est l'un des groupes les plus marquants de l'histoire du rock et sa musique a influencé de nombreux artistes. Très populaires pendant leurs années d'activité grâce à des titres comme Break On Through ou Light My Fire, les quatre musiciens connurent cependant une plus grande popularité après leur dissolution, notamment en raison du culte voué à leur chanteur Jim Morrison, poète et performer charismatique dont la vie tumultueuse et la mort précoce ont contribué à créer la légende. The Doors a réussi à vendre plus de 32,5 millions d'albums aux États-Unis et plus de 100 millions à travers le monde. Affilié à la scène du rock psychédélique, le groupe s'est distingué par une musique protéiforme et assez unique, empruntant à la fois au blues, au funk, au jazz, mais aussi au flamenco et aux musiques de fanfare, et profondément influencé par l'art et la poésie en particulier. Tous ces caractéristiques ont fait des Doors un groupe culte qui a inspiré de nombreux artistes. Et c'est vrai, et essayer de nommer un groupe qui sonne comme les Doors, il n'y en a pas beaucoup. Ah non, et puis il y en a, bon, on voit les influences, mais oui, comme on les voit Doors, les il y a peut-être juste Krieger, Manzarek, des Doors qui sonnent encore comme les Doors. Parce que comme tu as dit tantôt, c'était flamenco, c'était toutes les samba, rumba, etc. Là, oui. Tous les trucs de danse sociale. Mais les Doors avaient une affinité avec ces rythmes-là. On sait que Densmore aimait beaucoup les rythmes latins, oui, et qu'il en apportait beaucoup au drum drette en partant. Ça l'a comme d'un coup donné le son. La voix de Jim Morrison, les beats de Densmore, la guitare à Krieger, l'orgue à Manzarek, les back vocals à Manzarek, tout ça est une espèce chimie, de recette magique qui a très bien fonctionné. Oui, et c'est drôle. Le gâteau n'a pas vieilli du tout, il est toujours très succulent. Oui, tout à fait. Puis moi, en plus, c'est un peu étrange parce qu'à la base, je suis pas un gars qui aime les rythmes latins purs. Oui, je sais. Ça me dérange ce côté trop joyeux ou trop ensoleillé parce que je suis un homme du Nord. Mais eux ont réussi à faire un genre de symbiose entre ça. On n'entend pas, on n'a pas l'impression d'écouter de la samba ou des rythmes du genre, mais si on écoute la rythmique, c'est totalement ça. T'sais. C'est très bien servi, oui. En tout cas, c'est comme ça. Midi 31, merci beaucoup Charles-André Lambert pour ce beau segment de cuisse. Ça me fait plaisir. J'espère que ça te fait plaisir. Non. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Assemblage requis. Et on accueille Simon Fitzbé qui est en studio avec nous. Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour, messieurs, bonjour. Bonjour, hello. Bonjour, bonjour. Hello. Bonjour. Hello. Bonjour, bonjour. Ça va bien? Oui, bonjour. Oui, bonjour. Hey, tu m'avais averti hein, de pas t'embrasser parce que t'avais la grippe, mais j'ai pas pu résister. Ah, t'as pas pu résister. Et hein, voici ce matin, je suis là. Ah, c'est pas le fun. Hein. Mais c'était quand même plaisant. Est-ce que vous voulez que je vous laisse tout seul ou... Non. Regardez tout le monde, on dirait que j'ai frenché la moitié de l'université. Fait que... Voici Phénomène. Bonjour Simon. Bonjour. Ça va toujours? Ça va très bien. Depuis 30 secondes, tantôt. Depuis tout à l'heure, oui. Ouais. Donc, deuxième partie de la stéréophonie, t'es de retour après un rhume mérité, non? Ouais, une grippe, je sais pas, ouais, peut-être mérité parce bien que mérité. Bon, je fais pas attention nécessairement toujours à ce genre de trucs-là, mais ouais. C'est pas plaisant. Non, vraiment pas. Et la première semaine a été rough. Là, à ça ce va qui mieux. Paraît, mais... hein, vraiment dur cette année. Ouais, ouais. Et la deuxième semaine, tu manques juste d'énergie, en tout cas. Ouais. C'est pas super. Mais en même temps, c'est rare que tu dis « Ah, oh, la grippe est bonne cette année. » On a une très bonne grippe. Donc, Simon, stéréophonie, on a parlé la semaine passée de plein de choses. Peux-tu nous faire juste un petit résumé rapide de ce qu'on avait dit la semaine passée? Et rapidement, bon, les disques étaient enregistrés en mono. On a découvert donc qu'on pouvait enregistrer avec deux micros différents, deux sons qui créaient donc deux canaux stéréo qui se retrouvaient sur disque, mais également sur les bandes sonores de cinéma et sur la télévision également. Dans la radio aussi, mis à part les balado-diffusions sur Internet, qui sont en mono, dans notre cas. voilà, on était à peu près rendu là, dans le milieu de la mono. Il y avait eu l'idée de créer donc des disques à double rayon pour pouvoir avoir deux aiguilles. Et finalement, on a décidé de changer ça tout simplement pour un disque avec les deux côtés gravés à 45 degrés, avec les deux canaux stéréo, dans le fond, pour pouvoir avoir un son qui est gauche-droite et que même une aiguille mono pouvait ressentir sur son disque, dans le fond. Et dans le monde de la musique populaire, la stéréo s'est implantée lentement mais sûrement. Dans les années 60, on enregistrait avec des équipements qui ressemblaient beaucoup à des équipements stéréo, mais donc à plus en plus de micros et de plus en plus de bandes enregistrées, mais la majorité des mix se faisaient encore en mono puisque tout le monde avait ça à la maison. Prenons... Prenons l'exemple des Beatles, le producteur George Martin, entre autres, qui était un pro de l'enregistrement d'orchestre. Il était donc capable de disposer les micros dans le studio afin d'obtenir un son optimal lors de l'enregistrement. Mais il a débuté sa carrière alors qu'on mixait en entièreté les albums en mono. Et c'est donc une transition qui a été un peu plus ou moins ardue, bref, pour le cinquième Beatles, qui a dû apprendre comment rendre le son des Beatles en stéréo. Mais George Martin est un des mauvais exemples, je crois, dans ce qui est le mix stéréo. Voyez-vous, c'est que il a pris le concept des deux canaux directement au pied de la lettre. C'est que bien souvent, lorsque on entend la musique des Beatles, on retrouve la voix ainsi qu'un autre instrument comme la guitare, une basse ou un piano, dans le cas de ce qu'on va entendre dans quelques instants, d'un côté, et les autres instruments de l'autre côté. Ce qui donne un rendu englobant, mais qui peut jouer des tours à certaines personnes qui ont des défauts d'oreille ou un système de son à un seul speaker. Ouais. Let's all get up and dance to a song that was a hit before your mother was born. Though she was born a long, long time ago, your mother should know. Les Beatles avec la pièce Your Mother Should Know qui se retrouve sur Magical Mystery Tour, et c'est justement je crois un des pires exemples des mauvais mix stéréo, j'aimerais pas dire de George Martin, je vais pas nécessairement y mettre ça sur le dos, il découvrait le mixage stéréo et parfois bon, on peut faire des erreurs, mais pour ceux qui ont pu l'entendre en stéréo, qui sont pas en balado-diffusion, ben on entend la voix de Paul McCartney et des autres Beatles d'un côté et le piano de l'autre côté. Donc, si vous avez un écouteur qui fonctionne mal, vous êtes mal pris. Vous n'entendrez pas l'entièreté de la pièce. Ces versions stéréo donc ont été celles que tout le monde se souvient, tout le monde connaît les versions stéréo. Et on accorde donc peu d'importance à ce qui, selon moi, reste la véritable façon d'écouter la musique des Beatles en mono, bref. Et la grande majorité des albums des Beatles ont d'ailleurs été d'abord mixés en mono. En fait, il faut attendre l'album Help, le cinquième album du groupe, pour retrouver un album originalement mixé en stéréo par George Martin. Les quatre premiers avaient été mixés seulement en mono et ont été faits en stéréo en 87 pour la première édition des CD des Beatles. Et c'est un son plus feutré, englobant qu'on retrouve dans les originaux mono des Beatles. Le son qui sort des deux écouteurs sont également laisse rien en arrière-plan. Bref, et selon certains connaisseurs, le mono des Beatles est plus percutant. Lorsque le groupe a enregistré Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, John Lennon a déclaré qu'on n'avait jamais entendu l'album avant de l'avoir entendu en mono. Encore les Beatles avec Paperback Writer, une de mes pièces favorites du groupe, en mono cette fois-ci. C'est une pièce qui est plus percutante justement en mono, puisqu'on entend toutes les voix et tous les sons qui sortent des deux speakers en même temps, tandis que selon les mix de George Martin en stéréo, on entendait un bout d'un côté et un bout de l'autre, et c'est un peu perturbant. Et c'est un peu moins percutant quand tu l'appelles écrivain de livres à couverture souple. Oui. C'est un peu moins... Effectivement. du côté de la mono, en fait, on a un son qui est quand même assez intéressant, qui est old school, si on veut. Et d'ailleurs, le créateur des Beach Boys, Brian Wilson, ne pouvait pas mixer en stéréo. Donc, la plupart des albums des Beach Boys ont été mixés en mono parce que Brian Wilson avait un problème d'oreille. Il entendait seulement d'un côté, donc c'était pas très ça pratique. Ça n'aide pas. Non, exactement. Dérangeant. Il fallait qu'il se fie donc aux ingénieurs de Capitol et à son frère Carl pour avoir des mixages stéréo qui avaient de l'allure. Finalement, l'histoire la plus triste de la stéréo, eh bien, c'est celle des Zombies, le groupe qui a eu une certaine notoriété en Angleterre pendant les années 60, qui n'arrivait pas, par contre, à obtenir la notoriété comparable à celle des Beatles ou des Rolling Stones, qui se spécialisait, dis-je, dans une pop plus raffinée, se penchant parfois près du jazz. Et le groupe n'a jamais réussi à avoir le droit d'enregistrer un album complet comme les Beatles ont pu le faire avec Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band ou les Beach Boys plutôt avec Pet Sounds. C'est ce qui a porté le groupe à se séparer en fait. Mais par contre, avant de mettre fin à leur association, il a décidé de prier EMI pour avoir le droit d'enregistrer un dernier album. Cet album qu'il voulait marquant et plein de richesses. Malgré le risque financier, le groupe a enregistré Odyssey and Oracle, un album touchant et profond qui a vraiment rayonné lors de sa sortie en 1968. Le seul petit hic, c'est que c'est pour économiser, en fait, pour les coûts de production. Le groupe a lancé l'album en mono seulement. Mais aux États-Unis, le standard était devenu maintenant stéréo et il fallait absolument rendre l'album en stéréo pour qu'il soit vendable aux États-Unis. Et les membres du groupe ont donc dû sacrifier une bonne partie de leur royauté afin de remixer l'album en stéréo pour lui permettre de traverser l'Atlantique et nous éblouir, nous aussi. Good morning to you. Zombies avec la version mono de Care of Sub 44. En fait, la plupart des pièces, deux pièces sur trois ont été présentées en mono ici. Paper Rack Writer et Care of Sub 44 des Zombies. Superbe, Simon. Ben, merci beaucoup. Chronique Phénomène sur la stéréophonie, deuxième partie. Fantastique. Et, est-ce que tu as une idée la semaine prochaine, ton sujet dans ta chronique Phénomène? Bon, aucune idée. Bon, c'est super. Est-ce que tu veux nous parler à la place de l'émission de mercredi prochain en rediffusion de Catalepsie? Catalepsie sur les super-héros. En fait, on a exploré cette semaine les super-héros sous toutes leurs coutures et toutes leurs formes. Il manquait de temps, malheureusement, pour vraiment faire le tour au complet de ce sujet-là. Mais on a de la très bonne musique basée sur les super-héros. On parle des super-pouvoirs, également des super-héroïnes, des sidekicks, comme on dit en bon français, les acolytes des super-héros. Comme Robin. Ouais, comme Robin et autres. On a en fait des petites fiches de Spider-Man, Iron Man, etc. Il manquerait les super-vilains à toucher, mais ça sera pour une émission complète éventuellement. Ah, j'aime ça. Qu'on va faire là-dessus. Excellente idée. C'est pas des blagues, Joker. Joker blague. Donc ça, c'est mercredi, 14h à Catalepsie. Sinon, pour ceux pour qui ça donne dans les meilleurs moments ou whatever, où vous écoutez cette émission-là, mais il y a une émission lundi soir à 20h aussi. Oui, une nouvelle, celle-là. Une émission donc qui sera en direct, celle-ci. Et on va parler de science-fiction cette fois-ci. Parfait. Donc ça, c'est Catalepsie. Vendredi matin, album classique à 10h. Oui. Est-ce que tu sais ce qu'il y a demain? Plus ou moins, non. je suis comme en dilemme entre deux artistes, c'est pour ça. C'est, okay. Ah oui? J'ai redécouvert deux albums classiques et là, je ne sais pas lequel choisir. T'es un homme déchiré et déchirant. Exactement. Finalement, il y en a tout un qui gagne pour cette semaine-là et la semaine d'après, c'est l'autre. Fait que c'est, le perdant. Tout le monde est content. Ouais, le perdant. C'est comme au basket, là, il y a des brackets. Là, c'est celui qui gagne mon cœur. Ah! Wow! Et ta chronique, les éphémérides du rock dans Rock Classique à 11h le vendredi aussi. Oh que oui. Oh que oui, belle programmation chargée avec ça. Merci beaucoup. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 7h à 9h et le dîner de cons de 11h à 13h. Ah! dîner de con, un certain midi cette semaine. On y va avec cette nouvelle dont je vous ai parlé hier, mais je vous ai pas donné plus de détails. C'est cette dame qui a été poignardée par son mari et a survécu grâce à ses implants mammaires, rien de moins, hein? Des gros seins, ça sauve la vie, paraît. Donc, la chirurgie sauve régulièrement des vies. La chirurgie esthétique peut également le faire, comme le montre cette histoire d'une femme moscovite poignardée par son mari et sauvée grâce à ses implants mammaires. Selon le Moskovski Komsolette, qui est un journal, et ça a été relayé lundi par le site internet La Pravda, la femme de 40 ans a reçu un coup de couteau au niveau du cœur après une dispute avec son mari qui, excédé, voulait la poignarder. Heureusement pour elle, les implants mammaires posés il y a 5 ans à la demande de son mari lui ont permis de ne pas être blessé, ou en tout cas que superficiellement. Selon Sergei Bloykin, un chirurgien esthétique qui s'est occupé de la victime, le couteau n'a même pas touché la cage thoracique. Il faut dire que la quadragénaire avait choisi les implants très importants pour sa nouvelle poitrine. À noter que l'hôpital a même pu remplacer immédiatement l'implant après l'agression. C'était l'implant du sein gauche. Hein, c'est important de savoir quel sein avait été touché. Hein, quand même. Donc, on y va avec un compteur électrique intelligent, le Linky, qui serait peut-être dangereux pour la santé. On va en apprendre peut-être un peu plus. C'est l'association Robin des Toits qui interpelle le ministre de l'Industrie. On est en France, mais il est en train de se passer la même chose ici au Québec. De l'Industrie, Éric Besson, quant au risque potentiel pour la santé du nouveau compteur électrique intelligent. L'association qui dénonce depuis des années la dangerosité des ondes mobiles estime que le compteur Linky émet lui aussi ce genre d'ondes. Elles permettent d'échanger des informations, notamment la consommation avec les infrastructures, bien sûr, de la compagnie électrique, l'entité désormais en charge des réseaux électriques en France. OK. Le compteur intelligent utilise des radiofréquences qui viennent d'être classées par l'OMS dans la catégorie cancérigène potentielle, a précisé donc Europe 1 à Étienne, dont le porte-parole Étienne Sandrier. On s'est rendu compte au Canada, aux États-Unis, qu'il y a des gens qui devenaient électrosensibles quand ils étaient soumis au rayonnement des compteurs soi-disant intelligents. Bien, on a notre réponse ici. On voit que c'est de la... En tout cas, c'est pas très bon. On doit s'opposer à ça. Et puis, je vous invite à visiter le site compteurenor.com et à marquer votre appui contre cela. Des personnes donc très sensibles aux ondes deviennent littéralement intolérantes aux radiofréquences. Si vous êtes allergique à des cacahuètes ou aux fraises, c'est assez simple. Vous cessez de manger des cacahuètes ou des fraises. Mais quand vous devenez intolérant aux radiofréquences, qu'est-ce que vous faites? Car les radiofréquences, bien sûr, peuplent notre monde un petit peu trop, disons. Ces radiofréquences, OK. On dit qu'il est difficile, en effet, pour elle d'échapper à ces radiofréquences si un compteur, au sein même de leur foyer, en émet. Justement, la personne qui est très sensible à ça, un peu mal pris, il faut qu'il déménage, on ne le sait pas. Donc, de son côté, le RDF, concepteur du compteur, assure s'être plié à la réglementation européenne sur les fréquences. Il nie également toute conséquence pour les santé des utilisateurs du type de ce compteur. Une solution alternative est toutefois proposée par Robin des Toits, relier le compteur au serveur de RDF par ADSL ou fibre optique. C'est un dossier qui est à suivre encore et encore. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Assemblage requis. On a présentement en ligne Mme Claire Pimparé, alias Pascaro. Hein, oui. Je pense que notre génération la connaît bien à ce niveau-là. Pour nous parler de la semaine pour l'école publique qui se tient du 2 au 8 octobre. Bonjour, bon matin Mme Pimparé. Bon matin tout le monde, vous allez bien? Ça va très bien, vous aussi? Oui, j'ai un peu une grippe là, mais enfin ça passe, ça passe. On va bien s'entendre. Et c'est tôt le matin aussi. En plus. Hey, je suis premièrement, en fait, là, je suis un peu choyé de parler à Pascaro. Donc, je vous ai vu pas mal toute ma jeunesse. T'as l'air groupie, François. Oui, oui, mais j'aimerais vous remercier premièrement. Ah, c'est gentil. Pour votre beau travail. Mais c'est ça, on n'est pas là pour parler de ça ce matin. On va parler des écoles publiques. Donc, oui. Vous êtes porte-parole pour la semaine pour des écoles publiques. Oui, en fait, c'est une troisième année. Et cette année, on a mis le volet sur l'école publique de la formation professionnelle. OK. Parce qu'on a des bonnes nouvelles. OK. Que, oui, écoutez, il y a 100% des jeunes qui rentrent en formation professionnelle qui ressortent avec un DEP et non seulement un diplôme, mais 100% sont placés, ont un emploi. 100% là, c'est vraiment la... Ah, ouais? Non seulement ça, même en santé, il nous disait si on avait 120% de jeunes à placer, on les placerait. On a des demandes pour ça. Même chose, on est arrivé en formation professionnelle dans le secteur construction, menuiserie, plomberie, électricien. Et pendant qu'on était là, il y a un jeune, et ça, c'était très touchant, il est venu porter des cartes d'affaires parce qu'il partait son entreprise. Alors, on a même des jeunes entrepreneurs. OK. C'est tellement motivant de voir que dans l'école publique, on a un volet où tous ces jeunes-là dont on disait « Ah, mon Dieu, c'est des décrocheurs » ou soit ces jeunes-là qui cherchaient de l'emploi puis n'en trouvaient pas. Alors, c'est très positif pour l'école publique cette année. OK. Et puis, mais c'est ça, parlons des écoles publiques aussi. Moi, en fait, là, je parle personnellement aussi, je considérais pas que l'école publique était en danger, quoi que ce soit. Premièrement, je savais même pas qu'il y avait une semaine pour rendre hommage, en fait, là, aux écoles publiques. Oui. Pourquoi l'importance, en fait, d'une semaine comme ça? Ben, ça, c'est amusant que tu me dises ça, parce qu'hier, on a rencontré les enseignants. On avait, jusqu'à 9h, on a fait toutes les rencontres, parce que c'était la journée de l'enseignant également. Okay. Et il y a un directeur d'école qui m'a dit... Est-ce qu'on a une semaine de l'école publique parce que ça va mal ou on a une semaine de l'école publique parce que on est heureux puis on veut en parler? La Fédération autonome de l'enseignement a décidé de mettre sur pied cette semaine-là pour sensibiliser les gens à ne pas prendre pour acquis quelque chose qui est exceptionnel. Moi, j'arrive d'Haïti, j'ai passé 2 mois et demi là-bas, j'ai vu des milliers d'enfants dans les rues sans savoir ni lire ni écrire, et je peux vous dire une chose, ils aimeraient ça avoir une école publique. Ouais. Et là, je vais vous faire sauter ce matin, là. Allez-y. Parce que en 2010, il y a eu 775 enfants signalés à la DPJ. Ici, au Québec? Oui. Alors, enfants-là, s'il n'y avait pas d'école publique, ils seraient dans la rue. Oui. C'est énorme, pour vrai. C'est énorme. Puis dans ces 75 625 enfants, il y en a 500, c'est les enfants eux-mêmes qui ont appelé parce qu'ils sont seuls dans la maison ou parce que soit un des parents est sous-drogué ou peu importe. Alors, imaginez-vous à quel point on est chanceux d'avoir une école qui accepte, puis c'est une question de justice, qui accepte tout le monde parce que tout le monde a droit à l'éducation. Oui, c'est ça. Ouais, l'accessibilité aussi. Exactement, parce que nous, on ferme aucune porte. Alors, quelqu'un qui est au privé, qui fait pas ses notions d'affaires, ils vont dire, ben, dehors, mon petit ange, tu sais. Ouais. Mais cet enfant-là va aller où? C'est l'école publique qui le prend. Oui, c'est ça, exactement. Donc, il y a l'école publique, en fait, c'est une question de justice. Puis, je vais vous raconter une petite histoire qui est pas mal drôle. Okay. Paul Gérin-Lajoie, parce qu'on fête cette année, en plus, les 50 ans de la Grande Charte. C'est-à-dire, ça fait 50 ans que l'école publique existe. OK. Et Paul Gérin-Lajoie, qui a 91 ans, sa grand-mère, ça vous donne une idée, se battait pour que les femmes aillent à l'université. La mère de Paul Gérin-Lajoie a été la première bachelière au Québec. Pour vrai? Oui. Puis Paul Gérin-Lajoie, quand il a voulu continuer ce que sa grand-mère et sa mère ont fait, il s'est dit, moi, je veux avoir des écoles accessibles à tout le monde. Et il y avait un fermier à Beaudreuil qui avait une terre, puis il a dit, vends-moi ta terre, je veux construire. Il dit, à une condition, je te vends ma terre si tu construis une école. Il dit, moi, j'ai pas eu droit à l'école, puis je veux que mes enfants puissent aller à l'école. Et c'est comme ça que l'histoire de l'école publique a commencé. C'est ça, parce qu'on pense, là, en fait, là, ben, plus, je parle plus de ma génération, mais que l'école, en fait, c'est acquis, et puis ça a toujours été comme ça, que l'éducation, en fait, c'est pas un luxe, mais c'est comme banal. Oui. Mais c'est bien, je pense, de prendre le temps de remettre ça aussi dans le contexte. Absolument, puis faut aussi, moi, le message que je veux passer aussi, c'est regarder ce qui se fait de bien dans les écoles, allez fouiller, allez voir même pour votre enfant, ne serait-ce que de lui donner le bon exemple. Quand un professeur qui a 30 adolescents dans sa classe, vous en avez un à la maison, vous avez de la misère à y faire faire sa chambre. Lui, il en a 30 dans sa classe. Ça veut dire 60 parents ou 120 avec les familles reconstituées. Et là, le prof, il dit, moi, je suis un peu essoufflé, j'aimerais ça parler aux parents pour les enfants puis voir comment on pourrait améliorer les choses. Il fait une réunion puis il se retrouve avec 3 parents. Oui, et souvent, ces parents-là, en fait, c'est des élèves qui vont comme bien aussi, là. Absolument. C'est juste que l'enseignant veut communiquer ce qui se passe. Il veut rendre responsables les parents en disant « Avez-vous une idée de ce qui se passe dans l'école, ce qu'on a fait, les projets? » Mais souvent, les parents ne sont pas là. C'est ça. Oui. Alors, moi, c'est un exemple à donner aux enfants de dire « Je m'intéresse à ce que tu fais. » Donc, évidemment, je vais me présenter à l'école, ne serait-ce que pour aller t'aider encore plus. Oui. Alors, c'est important. C'est important, ça, on ne se cachera pas. Et puis, en fait, là, j'avais une autre question. On pourrait parler du site Internet, spep.ca. Oui, ça, c'est important parce que vous allez pouvoir voir tout ce que la Fédération autonome de l'enseignement fait. Mm-hmm. Mais vous allez avoir des vox pop de jeunes qui parlent de leur école et c'est très positif. Vous allez avoir aussi, on a fait une tournée des centres de formation professionnelle. Vous allez voir les équipements. Vous allez avoir, il y a des vidéos qui ont été tournées. C'est vraiment très intéressant. Mm-hmm. Et vous êtes sur Facebook et sur YouTube aussi, via le spep.ca. Oui. Il y a des icônes dessus. Et on rappelle en fait, que c'est. On est partout. Ouais, c'est ça. Ben, c'est social. C'est. On est en 2011 dans les écoles publiques. C'est ça qu'ils font les enfants après l'école. C'est aller sur Facebook puis YouTube. Ben, c'est ça. Alors, moi, je pense que. Écoute, en 10 ans, il y a eu 50 ans d'évolution. Oui. Alors, il faut donner la chance à l'école publique d'avancer aussi vite. Et c'est très difficile parce qu'il y a quand même 60% de budget qui est donné au privé. Et évidemment, ce budget-là, on ne l'a pas pour rendre une gratuité encore plus présente. T'sais. Exactement. Et puis, nous, en fait, là, à l'université ici, on parle beaucoup de la hausse des frais de scolarité. Je sais pas, avez-vous pris possession ou possession? Ben pour le moment, en fait, ça, c'est le côté politique de la chose. Ils sont en train de discuter. Mais la Fédération autonome de l'enseignement, ce qu'ils font, parce qu'on était hier, justement, à l'Université de Montréal, on est allé rencontrer les jeunes étudiants enseignants et Pierre Saint-Germain, qui est le président de la Fédération autonome de l'enseignement, on fait une conférence d'une heure et demie avec les étudiants pour répondre à toutes leurs questions. Parce que le but, c'est que tous les enseignants aient un appui pour, ne serait-ce parce que, tu sais, moi, je dis toujours la même chose, mais quand même, c'est que les fonctionnaires, là, qui prennent les décisions actuellement, ouais. Ils n'ont pas mis les pieds dans une classe depuis les 15 dernières années. Non, c'est ça. Et eux autres, c'est terminé. Eux. Ben, c'est ça. Mais ils n'ont pas mis les pieds dans une classe depuis les 15 dernières années. Ils n'ont aucune espèce d'idée de ce qui se passe dans le quotidien. Et ils prennent les décisions pour ceux qui sont là puis qui vivent le quotidien. C'est les enseignants qui, d'abord et avant tout, devraient être en mesure d'organiser eux-mêmes leur classe. Oui, exact. Exact, exact. Et puis, il y a aussi une autre controverse aussi. François Legault qui a dit, en fait, vouloir peut-être abolir les cégeps. Non. Mais voyons donc. Non, mais François Legault, il est en campagne de promo, on le sait, hein. Oh, on le voit aller. Écoute, est-ce que t'as écouté tout ce que Charest a pu dire dans sa vie? Ouais. Bon. C'est la même chose. Hein, allez-y. Je pense que les politiciens, on en prend et on en laisse. Puis comme ça, on en laisse plus qu'on en prend. Bien dit. Fantastique. Fantastique. Madame Pimparé, en fait, merci. Aviez-vous d'autres choses à rajouter? Ben, écoute, tout simplement, merci à vous parce que c'est en équipe qu'on porte la parole. Puis si vous n'étiez pas là, je ne pourrais pas le faire. Ben, ça nous fait plaisir et merci à vous de soutenir cette fois. Oui, c'est ça. Ben, prompt rétablissement pour votre rhume, d'ailleurs. Ben oui, certainement. Ça va revenir. Si vous passez à Trois-Rivières, là, vous pouvez toujours arrêter n'importe quand. Ah, vous êtes des amours. On vous fera un... Oui. La semaine pour l'école publique du 2 au 8 octobre 2011. Allez voir encore une fois spep.ca. On remercie Claire Pimparé, porte-parole. Merci beaucoup. Merci à vous deux. Bonne journée. Bonne journée. Au revoir. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 7h à 9h et le dîner de cons de 11h à 13h. Replongeons dans le dîner de cons un certain midi cette semaine. Go! Gilles, es-tu là? Gilles la douceur, événementiel, salut Danny! Salut Gilles, t'as l'air en forme? Oh my god, et you know what, le crocodile, là, comme ils disent dans mon coin que je suis, là, le méchant beau coin. Oh my god, excuse-moi pour cette année, j'ai vraiment pas eu le temps. Comment ça se passe de ton côté, qu'est-ce qui se passe de bon? Ben, on fait le show comme d'habitude, mais tu sais, il manque un gros morceau, nous autres, on t'attendait, là, mais tu sais, on le sait comment t'es occupé, fait que... Qu'est-ce qui se passe de bon avec Gilles Ladouceur? Oh my God! Est-ce que le show est toujours aussi pas écouté qu'avant ou il y a encore moins de monde qu'avant? Parce que là, ton autre... Je l'appelais le Zébulon, là. Ben, personnellement, là, je me rappelle pas de son nom. Ça roule-tu pas autant qu'avant, ton show, mon beau? Ben, ça roule moins parce que quand on enlève des collaborateurs de qualité comme toi, ben, qu'est-ce qu'on fasse? Ben, écoute, c'est pour ça que je suis venu. J'ai vu, mais moi, je fouette beaucoup, hein, sur Twitter. Twitter. Oui, je fouette. Et j'ai vu, justement, que ça parlait de toi sur le Twitter, sur le Internet, tes appels, hein. Parce que tu savais que je suis maintenant en ligne. T'es branché, là. Je suis branché, c'est fait. Écoute, Ben, moi, je t'ai déjà vu branché de plusieurs endroits, mais bon. Ben, écoute, on m'appelle le tuyau sans fin. Ça, c'est pour les intimes, là. J'ai le bocal assez profond, mais ça, c'est pour les intimes. Gilles, je t'appelais parce que, oui, j'ai eu beaucoup de chroniques. J'avais des chroniques que les gens entendaient. On me fouettait beaucoup sur mes chroniques, parce que j'ai beaucoup de fouetteurs qui me suivent, savoir c'est quand Gilles va revenir au show. Et je suis là. Je suis de retour. Mais c'est pas pour des chroniques, c'est pour faire un peu d'autopromotion. Ah, je te reconnais un peu, là. Oui, tu me reconnais. Ben, c'est Gilles Ladouceur. C'est rare que tu donnes gratuitement, toi, hein? Non, ben écoute, tu connais mon prix, hein? Oui, c'est très cher. Rome, c'est pas construit en Roumanie, hein? Tu connais l'expression? Ben oui. Donc, Dani, pourquoi je t'appelle? Je suis rendu dans l'événementiel. Oh! Je suis rendu un distributeur de carrousel, imagine-toi donc. Je me suis lancé dans l'industrie du carrousel et ma foi, ça l'a complètement changé ma destinée. Tu connais ma folie pour les étalons. Ben, c'est j'aime les gros chevaux. J'aime tout ce qui est costaud. J'aime les gros chevaux, les gros chevaux. Alors, je me suis dit, comment joindre plaisir et travail? Alors, je me suis dit, sur les carousels, il y a beaucoup de chevaux. Est-ce que je me trompe? Pour les gens qui écoutent, fouette. Du tout. J'ai un fouetteur qui m'écrit, effectivement, Gilles, tu as raison, il y a des chevaux sur les carousels. Et toi, alors, j'ai raison. Mais quand est-ce que tu n'as pas raison? C'est plutôt là, là. Ben, écoute bien. Quand j'ai pas raison, c'est lorsque j'ai raison. Donc, j'ai toujours raison. J'ai de la douceur du Seigneur 2012. Gilles, pourquoi je t'appelle, c'est ça. Alors, je me suis lancé en carrousel. J'ai fait un voyage dernièrement dans un pays qui est fantastique. Les gens sont accueillants. Je suis allé en Corée du Nord. J'ai passé là-bas mes 6 derniers mois là-bas. J'ai redécouvert c'est quoi le signe de la liberté, surtout la liberté d'expression, la liberté d'être soi-même. J'ai rencontré le grand leader, le Kim Jong-un. Moi, je l'appelle Kim Jong-un. Un chic type. Et c'est lui qui m'a proposé de me lancer dans un carrousel. Alors, il m'a fait faire beaucoup de voyages entre l'Iran et la Corée du Nord. Des voyages avec beaucoup d'autobus, beaucoup de blindage, je te dirais. Je sais pas trop ce que je transportais, mais il me disait qu'en cadeau, j'allais recevoir des carousels. Tu comprends? Ah. Alors, Kim Jong m'a redonné 50 000 millions de carousels. Mais tu mets ça où? J'en mets partout. Tu vois, dernièrement, j'étais dans le plus beau pays du monde. J'étais en Rimouski. Et j'avais, ben, tu te rappelles de M. Avion? Oui, ben, c'est clair. Comment oublier la famille Avion? Monsieur Avion est en pleine forme. Ce jour, il y a eu quelques rénovations et là, il était sur le tarmac l'autre oui. jour et je lui parlais tout simplement. Puis il me disait qu'il trouvait que le kérosène goûtait moins bon qu'avant. Tu sais que c'est un gros fan de kérosène, Monsieur Avion. Et j'ai demandé à Monsieur Avion s'il n'aimait pas ça qu'on ait donné le bonheur. Alors, tu sais ce qu'on a fait, Gilles? Non, non. J'ai mis 25 carousels dans Monsieur Avion. Ah. On est allé au-dessus de la Rimouski et on a garoché les carousels par les. Un peu comme on garoche des fleurs. Ah. Et les carousels, c'est. Alors, tu connais l'expression. Un peu comme des caisses de nourriture là, qu'on envoie dans le tiers-monde. C'est exactement ça. Mais sans la nourriture, c'est des chevaux cette fois-là. Et, soit dit en passant, la beauté que j'ai fait, c'est que lorsque les carousels tombaient de M. Avion, ils tournaient déjà. Ah! Tu comprends ce que je veux dire? Donc, ils étaient prêts à accepter les gens. C'est des carousels de grande valeur, hein. C'est fait avec des matériaux recyclés. Mais mettons, j'en veux un chez moi dans la cour, c'est toi qui viens de l'installer, puis tout, là. Effectivement, c'est une très bonne question que tu poses, une de tes rares questions que tu poses qui est très, très bonne, Dani. Ce que tu peux faire, c'est que tu vas sur mon site, www.gilladouceur.com. OK. Et là, tu vas dans l'onglet événements carrousel. Et là, tu vois, j'ai à peu près toutes les places où j'ai envoyé des carousels tomber. OK. Parfois, c'est arrivé des petites fois que j'ai accroché du monde. Parce que tu sais, il y a des citadins, il y a du monde qui habite dans les villes, ou sinon il n'y aurait pas de ville. Ouais, ça prend rien à personne. On ne fait pas d'omelette sans casser des œufs, hein? Ah oui, mais on ne fait pas d'œufs sans casser d'omelette. Hein? Ça se voit dans les deux sens. Ah, oh. Ce que je veux dire par là, je peux pas envoyer un carrousel dans le ciel. Je peux rien que le faire tomber du ciel, le carrousel. Ah. Tu comprends ce que je veux dire? C'est là que les gens vont pas être différents. Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, fais l'inverse, envoie les carrousels dans le ciel. Mais oui, j'ai pas de loi, moi, là. Je suis pas assez fort pour envoyer les carrousels dans le ciel. À part avec Monsieur Avion. Oui. Alors, je me suis lancé dans le ciel. La prochaine ville où on va faire tomber des carrousels, c'est à Bagdad. Oh. Et là, on a eu beaucoup d'enjeux avec... Je suis rendu très, très... Tu sais que là-bas, les Chinois sont en guerre. Entre les Chinois, les Coréens sont là-bas. Okay. Alors, moi, j'ai parlé aux Chinois. J'ai dit, là, moi, je m'en vais faire tomber des carrousels sur Bagdad City. S'il vous plaît, lancez pas de bombes pendant ce temps-là pour pas briser les carrousels. Non. Comment ça veut dire? J'ai investi de l'argent pour donner du plaisir aux gens. Et là, je me suis dit, s'il faut que la Chine bombarde, parce que là, tu sais que les Américains essaient de faire de plus en plus de pourparlers avec moi, hein, pour que j'envoie des carousels à New York, surtout à Plattsburgh, Burlington, où les gens sont très... Ben, les gens font pas assez de sport. Un peu déprimé. On en parle dans la prochaine chronique. Alors, j'ai dit, pourquoi pas installer les grosses des carousels et les faire tourner? Au moins, ils vont bouger. Et mes carousels sont très, très forts. J'ai fait un test avec Mme Patate. Oh! Et Mme Patate, d'ailleurs, qui chante Lady toujours. Lady de son prénom. Lady Patate. Oui. Lady Patate, elle a fait, écoute, c'est avec elle que j'ai lancé ça. On a lancé ça dans la capitale mondiale du carousel. C'est de ce que je parle. Chicago. Ah, je pensais Carousel City. Ouais, ben écoute, à Chicago, il y a des carousels partout. Hein. Je me suis pas démarqué là-bas, mais j'avais Lady Patate. Tu me fais penser à une nouvelle qu'il y avait aujourd'hui dans les actualités tout à fait inutiles. En Grande-Bretagne, on a construit une montagne russe exprès pour les obèses. Oui, ben, je connais très bien. Je connais très Est-ce bien que tu fais partie russe. De... Est-ce que tu as un carrousel dans ce parc d'amusement? Oui, ben écoute bien. C'est justement, je voulais en venir avec Lady Patate. Oui. J'ai fait le test avec... Parce que lorsque eux, ils ont lancé ce style de montagne russe pour Robert, soit dit en passant, il y a une distributrice de ketchup et de mayonnaise pour leurs frites dans la montagne russe. Hein. Ça, c'est une première. Sûrement une distributrice de chips aussi. Oui, ben écoute bien. Écoute bien. Dans le deux, avant que je retombe à ma Lady Patate, je fais ça vite, j'étais très occupé. Oh oui. Dans la première loupe de cette montagne russe-là, on demande aux gros d'ouvrir la bouche. Et dans la première loupe, quand ils arrivent face à face avec le rail, il y a une chute de frites. Et là, ils rouvrent les frites. Et là, leurs frites leur tombent dans la bouche. Donc, pour eux, c'est le meilleur des deux mondes. Ils bougent et ils mangent à la fois. Et on leur distributeur de ketchup et de mayonnaise, parce qu'on sait qu'ils aiment bien ça, mélanger ça, hein, les gros. Ketchup, mayonnaise, ben oui. Ben oui, faire leur petite sauce, hein. Puis c'est très, très santé. C'est cuit dans de l'huile de kérosène. Ah, je pensais dans de l'huile de bacon. Ben, alors, Lady Patate a chanté sur le carrousel. Oh. Et tu connais Lady Patate, c'est une patate douce, hein, madame. Lady Patate, une très grosse patate. On parle d'une patate, là, d'une patate géante, une patate humaine, hein, femme patate humaine, une chanteuse de renom, une castafiore. Et je l'ai fait chanter sur mon premier carrousel. C'était un succès fou, là. Dani, Lady Patate, là, donc, là, depuis ce temps-là, elle tourne constamment. Elle n'a pas arrêté sur le carrousel depuis 2 ans. Elle n'a pas sorti. Hein. OK. Elle est à toilette sur le carrousel et les gens, elle chante sur un do assez exclamatif et elle tient. Et ce qui est fantastique dans ça, c'est que lorsque le do passe devant toi, tu sens très bien son do. Et lorsque le rocket, Lady Patate, tu l'entends loin, ça se transforme dans une sorte de la mineur, là. c'est vraiment fantastique. Donc, pour les gens, c'est... Oui, je trouve que ça sonne un peu comme un tremblement de terre, par contre. Oui, effectivement, Dani. Effectivement, t'as un autre... Des genres d'infrasons, là. Oui, oui, oui. Ah, excuse-moi, il y a une personne ici à côté de moi qui passe et je crois qu'elle serait éligible à la montagne russe. Ah! En Angleterre, elle est très, très grosse, cette madame. Et d'ailleurs, elle rentre à frites à l'heure. Elle doit aller manger un frite, la petite madame. Moi, je dirais peut-être 2 frites. Oui, je finis avec une nouvelle inédite. Oui, bien, comme l'habitude. Je me suis lancé en maquillage. Je suis retourné dans le maquillage, le maquillage pour obèses. Et pourquoi dans le maquillage pour obèses? Écoute, c'est un segment de la population, tu le sais, qui grandit énormément. On a de plus en plus de personnes obèses et de plus en plus de personnes qui vieillissent. Hein, et suivent ces deux groupes marginaux-là. Et pourquoi je me suis lancé dans le maquillage d'obèses? Je fais le maquillage avec leur propre graisse, Dani. Oui, et c'est une nouvelle technique, c'est-à-dire, en réalité, je liposuctionne les bras, les cuisses. Oui. Avec le gras de bras, comme on dit. Exactement. Le gras de bras que je soupçonne avec un petit peu d'huile faite maison. Je dirais pas les ingrédients, ça pourrait en choquer quelques-uns. Mais tu me connais, puis comment je te dirais ça? C'est naturel. Ben, tout à fait naturel. C'est naturel. Et je mixe le gras de ces gens-là et je leur maquille la face avec ça. Et je te dis, ça a des résultats là, instantanés. Hein. On les reconnaît pas, si je peux dire. On les vraiment, là, on les replace vraiment pas. Alors, j'ai des photos sur mon site d'aller voir. On les voit avant et après. Et la question, c'est de voir si vous les aimez mieux avant ou après. Moi, je les maquille pas pour les rendre plus beaux. Je les maquille juste pour les aider à bouger. Tu connais? À être différent. Mais ça me fait mais attends un peu, ça me fait penser à une dame en Asie qui faisait des chirurgies plastiques, mais à coups de poing d'en face. Oui, dans effectivement. Des coups de poing d'un sein aussi. Elle pouvait te remonter à la poitrine. Ça me fait penser un peu à ça. Mais tu sais que cette madame-là, tu te rappelles du concours du baklava géant que je t'avais parlé, d'un baklava de 150 000 km de long et de 300 km de haut. Ça, c'est du baklava, gros. Là. Non, c'est tout le baklava, je te jure. Surtout quand on sait que le tour de la Terre est de 40 000 km. Exactement. Il partait de Paris, ce baklava-là, traversait l'océan Atlantique et revenait par le Pacifique jusqu'à Kroumanev en Roumanie. Ah. C'est le plus gros baklava qui a été jamais fait, justement par le mari de cette femme-là. Ah! Oui, on voit le lien, là. Un Égyptien d'adoption, et elle le frappe énormément, si tu vois ce que je veux dire. Hein? Et c'est pour ça qu'il a un si beau visage. Quelques échymoses, mais un chic type. Mais cet Asiatique-là, fais-moi confiance, j'ai hâte de la rencontrer. Hein? C'est Mme Buskirboum. Oui. Le boum, c'est l'expression pour dire boum, je te frappe au visage. Mais cette femme, cette fameuse dame-là, je te reparle, je la vois la semaine prochaine, elle vient faire un tour sur un de mes carousels, et je lui ai même offert de sauter de Monsieur Avion avec un carousel et les 10 patates. Quel spectacle, hein? On saute de l'avion avec Monsieur Avion, on fait du carousel et les 10 patates nous sont son dos, là, qui tourne, qui se change en la mineur. Tu vois un peu que c'est une grosse boucle, moi, c'est on voit que c'est de l'événementiel. C'est de l'événementiel. Denis, je vais essayer de te rappeler la semaine prochaine. Ça serait bien. La semaine prochaine, je te parle de quelqu'un qui est mort, qui est décédé. Ouf. C'était Dr. Paul. Et pourquoi Kaka. tu finis toujours ça sur une note triste comme oui. ça? Oui, Dr. Paul Kaka à l'écoute, et je crois que son dauphin nous écoute en ce moment, alors je le salue bien bas, c'était très dur pour lui, et étrangement, il a le même discours que lui, hein. Il parle de la même manière, mais Dr. Paul Kaka nous a quittés, alors je vais t'en parler, je m'en vais justement à son université à Scottenberry, tu connais, je sais qu'il y a eu beaucoup de publicité beaucoup, qui a été faite là-dessus. Hein. Ça l'a fait beaucoup de distorsions sur sa théorie que la... Je vais peser mes mots pour les contraventions, que les selles seraient venues avant l'homme. Ah. Et lui, il a toujours été à sa vie à la recherche de la selle souche. Hein, ben, c'est un peu comme l'œuf ou la poule, c'est la selle. Exactement. C'est la même chose. Et lui, il s'est battu longtemps pour la selle souche, en voulant dire l'homme descend de la selle. Mais on parle de ça, les cellules souches, donc ça doit y avoir rapport. Oui, exactement. Mais c'est une grande théorie hein, qui nous donne de dire qu'on nous serions descendants de nos propres Russell. Et ça a été beaucoup de travail pour lui de nous amener ça. Et peut-être que son associé va pouvoir vous en parler. Donc, c'est M. Dauphin, tu me dis? Oui! C'est M. Dauphin, c'est exactement. Oui, c'est exactement ça. C'est M. Dauphin, Danny. Hey, Danny, sans tambour ni pompette? Non. Je te laisse. Hey, l'animateur vedette, là, comment j'ai oublié tout le temps son nom. Là. Mathieu Plante. Est-ce encore là, ce beau Mathieu-là? Oui, tu peux l'écouter tous les matins de 7 à 9 heures. Ah, il a une belle voix. J'espère que sa voix est aussi belle que lui, hein, parce que maudit qu'il est bon, lui. Mm. Ah, qu'il est bon. Puis, en tout cas, dis bonjour de ma part là, à ce beau Mathieu-là. Ben, il doit t'entendre en ce moment. Il sûrement qu'il t'écoute, là. Ah, ben, regarde, Mathieu, sans tambour ni pompette, je te regarde dans les yeux. Mais je suis pas Mathieu. Bon, j'ai l'habitude de Seigneur. Comme d'habitude, je quitte avec mon poème de la journée. Oui. J'ai connu un homme, ce n'était pas un bonhomme, sans tambour ni pompette. J'ai mangé la trompette. Je me demande encore si Scarlett va me voir dans ma trompette. Mon nom est Jules de la douceur. Je ne suis plus qu'un designer. Wow. Hey, en plus, on est dans le Festival de la poésie en ce moment. T'es tout à fait dans le ton. Ah, oh, mais ben, salut les pauvres de ce monde qui vivent sous mes impôts. Hein? Puis dis-leur que je lirai pas leurs textes puis que j'aime pas leur poésie. Bye pour moi. Bye. Salut mon beau Danny. Salut. Ouf, hein? On vient d'avoir notre ami Gilles La Douceur Designer qui est arrivé comme ça à Brûle-Pourpoint. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Assemblage requis. François-Olivier Marchand est toujours là. Mathieu Plante aussi. Oui. Simon Fitzbé. Toujours oui, avec une pastille dans la bouche. Ah oui, ça, ben, ça doit donner un style à ta voix. Ouais. Une voix fruitée. Et on accueille François Landry, voici sa chronique Logocratie 101. S'il vous plaît, collègue. Le début est solennel. Royal. Collègue, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Le début est solennel. Salut François. Bonjour Mathieu. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Oui, très bien. Ouais, on n'a pas fait de lien douteux avec les passés, mais il n'y en avait pas vraiment. Non, je cherchais aussi de mon bord. Simon, il y a peut-être un mouton dans la gorge. Le peuple québécois aujourd'hui a un mouton qui vient de sortir avec la grosse nouvelle qu'on a su ce matin. Ouais, il est capable de faire n'importe quoi avec n'importe quoi, ce gars-là. Ah, ouais, ben, je t'écoute, Mathieu, hein, faut que tu m'inspires. Je suis un modèle pour toi. Donc, qu'est-ce qu'on a appris ce matin? Ce matin, écoute, je devais faire une chronique sur la course au leadership tant au Bloc québécois qu'au NPD. Et en ouvrant la radio ce matin et en ouvrant les journaux, on remarque que Jean Charest, oui, notre cher premier ministre, plie. C'est-à-dire qu'il va écouter pour la première fois peut-être depuis très longtemps son peuple, son digne peuple, et il va déclencher une commission d'enquête. Non. Mais je n'ai pas mis le mot public. C'est non, volontaire c'est parce que ça serait une commission d'enquête huis clos mixte public. Donc, on s'entend que c'est ce qu'on voulait, mais c'est comme le pour Apple. On voulait le Apple 5, puis l'iPhone 5, puis on a eu le 4S. Ouais, on est déçus. T'sais, on l'a pareil, on est content, mais oui, on est déçus. Écoute, s'il y avait des cours d'action présentement au Québec, la cote du Québec serait baisserait là. De 3,3% en date de jeudi matin. C'est ça? Oui, en date de 8h15. C'est ça. Mais c'est bizarre, par exemple, de vouloir mixer ça, le huis clos, et puis qu'est-ce qui peut être huis clos, qu'est-ce qui peut être public? Écoute, je t'en avais parlé dans ma chronique sur Duchesneau, son rapport qu'il avait fait, puis lui, il privilégiait les deux. Donc, un huis clos au début pour que les juges, trois juges nommés à l'Assemblée nationale puissent entendre les particuliers, pour que eux autres puissent parler sans tabou, sans un frein médiatique, sans avoir peur d'être faussement cité ou leur réputation entachée à jamais. Et ensuite, les juges regarderaient qui pourrait passer en commission publique, d'où l'importance d'avoir une première étape et ensuite une deuxième étape, donc un filtre. C'est vraiment les juges qui choisiraient, bon, exemple, toi... Dans une commission, c'est les juges qui sont maîtres. C'est eux autres qui envoient les huissiers chercher les personnes aptes à témoigner ou à faire des perquisitions. C'est eux autres qui amènent des mandats, mais pas de policiers, là. Mais, et puis, en fait, je te pose une question comme ça. C'est quoi le but d'un juge? Mettons, exemple, ils entendent quelqu'un, bon, blablabla, on va l'appeler, mettons, Mathieu Plante, OK? Ils entendent Mathieu Plante. Beau nom. Bon. Ouais, mais t'as rien à te reprocher, là. J'espère. Et puis, de l'envoyer après ça... Ou du côté public? Côté public, c'est pour la transparence. Donc, un chef d'entreprise qui voudrait parler de comment ça fonctionne ou un soumissionnaire qui voudrait parler... Tu sais, lui, ça ne le dérange pas. Ou un ancien, une ancienne entreprise estropiée? Comment tu appelles ça? Escroquée. Escroquée, merci. Estropiée. Oui, estropiée aussi. Ou des politiciens, tout simplement. Les politiciens, qu'eux autres, ont l'immunité parlementaire à la base. Donc, pourraient aller parler comment ça se passe, des lettres anonymes qu'ils ont reçues, donc ils pourraient les dévoiler. Parce qu'en huis clos, on ne sait pas ce qui se passe en dedans, ça le dit. Donc, en fait, les juges demandent à la personne s'il veut bien y aller ou... Non. C'est eux autres qui jugent. Ils sont assez aptes pour dire... OK, cette personne-là, on ne la passera pas en huis clos. C'est un journaliste. On va le passer en public. Mettons un journaliste judiciaire. Si c'est un politicien, bon ben le politicien va aussi aller à l'enquête publique. Mais si c'est quelqu'un qui requiert l'anonymat parce que c'est un exemple bras droit de Jean Charest. Ouais. Donc il peut pas aller parler contre son chef, mais il dit moi j'ai reçu des informations, c'est moi qui a posé des post-it sur des contrats assignés avant. Donc, il pourrait aller en huis clos, faire entendre ça. Et même en huis clos, ça pourrait être des policiers. Des policiers qui enquêtent, mais qui ne peuvent pas dévoiler encore tout leur parce que l'enquête n'est pas terminée. Voilà, l'enquête n'est pas terminée, mais ça pourrait aider à faire avancer une autre enquête similaire faite par un autre corps de police ou faite par les juges eux-mêmes. Puis, les résultats de ça, en fait, de la commission d'enquête, à quoi on peut s'attendre? J'en ai aucune idée. J'en ai aucune idée parce que habituellement, une commission d'enquête de même, c'est pas le juge qui dit OK, là, on tape sur les doigts de un. Non, non. Lui, il rédige un rapport qu'il le remet ensuite au gouvernement. Dans son rapport, en fait, il y a non, il y a des preuves. Oui, oui, oui. Il y a, c'est tout. Là. C'est complet. Là. C'est très complet. Un rapport, c'est peut-être 300-400 volumes là, de 500 pages chaque. Là. Ça peut être un rapport. Ça, j'exagère un peu, mais ça peut être ça. Lui, dedans, c'est ses recommandations. Donc, telle personne a abusé du système 33 fois entre telle date et telle date. Donc, on recommande qu'il soit suspendu pendant 2 ans avec une amende. Okay. Ça peut être juste des recommandations. Okay, okay. C'est pas... Donc, mettons, on recommande qu'avec, mettons, telle entreprise, il n'y ait pas de contrat avec l'État pendant... C'est ça. Ou on confirme qu'il y a eu collusion au Québec. On confirme qu'il y a eu corruption au Québec avec telle personne. Mais ils ne peuvent pas émettre de mandat d'arrêt. Là, ça s'en va au criminel après. Donc, là, les policiers se servent de cette preuve-là pour ouvrir une autre enquête. Une enquête criminelle. Là, ça va repasser devant un autre juge. Là, ça va être avec des avocats privés. Donc, si le X est pogné les mains dans le sac par le rapport de la commission d'enquête huis clos et public, l'enquête criminelle faite par la police, la SQ, la GRC ou un corps policier municipal traîne en cours celle-là. Donc, là, c'est la couronne contre... Bon. Okay. Et ensuite, c'est pour ça que c'est pas demain matin qu'on va se réjouir de voir X, Y, Z en prison. Non, c'est ça. On s'en reparle. Je vais revenir faire ma chronique dans 10 ans, puis peut-être qu'on va avoir du monde en prison. Là. Peut-être. Parce qu'on sait que c'est, quand t'as de l'argent, tu t'en sors un petit peu mieux justice que tous les autres. Ouais. Donc, on verra. Alors, ça, c'est un gros résumé. Pour l'instant, je peux pas t'en dire plus parce qu'on n'a pas encore la définition d'une enquête. Ça n'a pas été non plus encore approuvé. C'est pas annoncé officiellement. Ouais. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a sûrement eu des confirmations anonymes de fait aux journalistes de la presse qui lui ont dit oui dans 2 semaines lors du congrès du Parti libéral qui va avoir lieu le 22 octobre prochain, la fin de semaine du 22. Il y aurait une période plénière appelée pédagogique. Donc, on va voir comment on peut mettre en place un système de commission de l'enquête huis clos, mixte et public. Donc, on verra là. Donc, après le congrès, dans 2 semaines, on va savoir ce que le gouvernement entend faire. Mais Jean Charest n'est pas fou. Il a attendu tellement longtemps pour faire ça que c'est lui qui dirige encore les quartiers. Sur un jeu d'échecs, c'est encore lui qui dessine le roi et la reine. Là. L'autre côté, c'est juste des pions qui restent. Parce que s'il attend dans 2 semaines, donc là, les Canadiens de Montréal vont commencer à avoir joué. Occupation double, ça joue. Star Academy, ça va jouer. Donc, on va être distrait, OK? On s'entend là-dessus. Puis un peuple distrait... C'est un peuple manipulable. Donc, ensuite, mi-octobre, il va rester 1 mois avant les fêtes. Parce que là, pendant le mois de décembre, tout le monde se court partout dans les centres d'achat. On ne veut plus rien savoir du monde extérieur. Là, c'est juste qu'il faut trouver le plus gros cadeau que la matante. Parce que sinon, mère indigne, t'sais. Fait que là, le temps des fêtes va passer et déclenchement de la commission peut-être dans 6 mois. Le temps de trouver les juges, de trouver les preuves, de trouver l'équipement, le matériel, le personnel pour tout faire ça, ça va prendre 6 mois. Donc, ça nous amène au mois de mars prochain. Mois de mars, il va rester quelques semaines à la période de l'Assemblée nationale. Là, l'été va commencer, les vacances vont arriver, donc telle personne ne peut pas témoigner parce qu'elle est partie au Venezuela, l'autre personne ne peut pas témoigner parce qu'elle est partie en Ouganda. Jean Charest ne peut pas témoigner parce qu'il est en mission en Chine. Et par exemple, mission économique très importante pour relever l'économie du Québec parce qu'on sait que l'économie périclite ces temps-ci, patati patata. Donc là, ça irait au mois d'octobre, parce qu'au mois de septembre, c'est toujours le retour des vacances, le temps qu'on se remette dans le dossier, que le juge revienne d'Hawaï avec ses sandales pleines de sable. Ça ira au mois d'octobre prochain, donc ça nous amène déjà dans un an. Donc, si on déclenche là, la grosse période serait dans un an. Puis là, j'imagine qu'il va y avoir des élections aussi avant. Et voilà, tu as tout compris. Donc, avant le déclenchement officiel de la commission ou pendant, tout dépendamment de la situation politique à ce moment-là, déclenchement d'élection générale, Jean Charest va pouvoir dire « J'ai déclenché une commission d'enquête. Faites-moi confiance. Je veux faire le ménage. » Et pour s'assurer que ça se fasse le ménage, il faut conserver le même gouvernement, mais un gouvernement très stable, très fort, pour qu'on puisse vraiment coincer les criminels. Pour nous coincer. Ouais, ben ça, c'est sous-entendu. Ouais, là, ça. Mais, OK, c'est ça. Toi, tu penses que Jean Charest pourrait, en fait, se représenter? Ça, c'est un pile ou face qu'on va faire. Tout dépendamment de l'enquête préliminaire, il va prendre certainement son été pour réfléchir à ça. Parce que s'il se présente de 1, il brise un record de réélection. Il l'a pas déjà brisé, non? Non, là, il égale Maurice Duplessis. Okay. Mais en termes d'élection, et non pas en termes de longévité. De longévité? Ouais. Longévité. C'est un peu comme moi quand j'ai dit périlicité tantôt, puis c'était périclité, je pense. Périclité, ouais. Je me sentais mal d'avoir dit. Ouais. On va sortir des sifouismes. Ouais, c'est ça. Superbe. Donc, il va prendre vraiment l'été pour réfléchir à ça, et il faut qu'il se trouve un dauphin. Il n'y a personne présentement pour le remplacer. C'était Nathalie Normando. Peut-être qu'il est parti. Va-t-elle revenir en grande héroïne, sauver le Parti libéral de la tempête qui s'annonce? Ça serait surprenant. Ça me surprendrait pas, moi. Ouais. Il l'a éloigné pendant un an et demi. Peut-être que c'est ça aussi que c'est stratégique. Pour pas l'entacher. Et voilà. Pour qu'elle puisse revenir immaculée. Donc, dire, OK, moi, je n'ai jamais baigné là-dedans. Oui, j'ai peut-être fait des erreurs en tant que ministre. Mais au moins, je suis une vraie libérale, de la famille libérale. Et je veux faire le ménage. Là, tout le monde va l'applaudir. Et en plus, c'est une femme. Ça serait la première dans l'histoire du Québec. Pauline n'en serait pas contente. Et Pauline démissionne le lendemain. Et. Ça, c'est clair. Donc. Et Simon. Hey, mais ça va pas bien au Bloc hein, aussi. C'est... Au Bloc québécois, tu parles? Hey, ça fait longtemps que ça va pas bien. Là. Écoute, ça, c'est un soap. Moi, j'écoute ça. Tu sais, les rires de l'amour l'après-midi. Oui, là, vraiment, moi, j'écoute le Bloc québécois. Ça ressemble à ça. Parce qu'on se souvient, Gilles Duceppe, après la débâcle monumentale du 2 novembre passé, du 2 mai passé, 4 députés seulement sur la cinquantaine qu'il y avait se sont fait réélire. Et un difficilement, parce qu'il y a eu un recomptage. Là, Gilles Duceppe, lui, en très grand humble qu'il est, en toute humilité, démissionne parce qu'il dit « j'ai pas su livrer la marchandise » et de deux, parce qu'il s'est même pas fait réélire dans Sainte-Marie-Saint-Jacques à Montréal. Donc, il démissionne. Donc, course au leadership oblige. Qui pourrait prendre la place? Là, tous les regards se tournent vers Paquette, qui était le leader assuré. Lui, il dit « non, moi, ça m'intéresse pas. Pas en tout, relever un parti mort, ça m'intéresse pas. » Bon, c'est carré. Gilbert Paquette. Ensuite, on se tourne vers Daniel Payet, la recrue économiste, la matière grise du Bloc québécois. On dit, lui, ce serait le chef pour rallier ses troupes, parce qu'il est très solide, peut mettre le gouvernement dans la barre facilement avec ses chiffres, sa compétence, son intelligence. Daniel Payet, je cite presque, là, je vais extrapoler un peu ses propos, c'est hey, « Es-tu malade, toi? » Voir non, mais... si moi, ça me tente de me lancer dans une course c'est à chiffrer avec un parti, c'est avec ça. Des finances à terre. C'est ça. Non. Je retourne dans mes anciennes amours. Il a suivi des cours, il va en suivre. Et là, il était devenu chroniqueur pour l'Empire québécois. Donc, sa vie privée allait très bien. Jusqu'à temps que Jean-François Fortin se présente, le plus jeune des députés connus. Encore là, ce nom est connu, mais c'était le plus connu des inconnus. Qui provient pas de la Gaspésie, mais dans ces coins-là. Et lui, il s'est dit, je vais aller voir Daniel Payet pour avoir son assentiment. Daniel Payet dit, oui, t'es mon candidat. Je vais même mettre à ta disposition l'équipe que j'avais réunie autour de moi pour au cas où que j'ai décidé de démissionner. Donc, il donne l'argent, il donne l'équipe, donne l'infrastructure pour se bâtir une vraie équipe. Peu de temps après, Marianne Morani se présente aussi. Elle, c'est la plus connue des connues. Très forte, très critique des affaires intergouvernementales, musulmane, je crois, de confession. Donc, une femme qui représente le Québec moderne. T'sais. Une femme d'une confession autre. Et souverainiste en plus. Donc, ça va bien. On va y aller. Sauf qu'à l'interne, on ne veut pas de Maria Morani. On n'en veut pas. Pourquoi ça, je l'ignore. Mais les lignes qui sortaient dans les médias de sources anonymes, c'était « Non, pas elle, elle va défaire le Bloc ». Parce qu'elle, elle s'est dit, faut arrêter d'être souverainiste, faut être un Bloc à Ottawa, des Québécois à Ottawa. Là, les purs et durs du Bloc ont dit, non, ça prend des souverainistes à Ottawa. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Là, Fortin, l'autre bord, qui n'est pas assez fort, qu'est-ce qu'on fait? On va retourner voir Daniel Payet, au cas où. Là, il y a eu un petit congrès du Bloc restant, avec des anciens députés, des membres. Puis là, ils ont dit, Daniel, t'as pas le choix, tu te présentes. On t'oblige à le faire. C'est ton devoir. Tu dois répondre à l'appel. Si tu le fais pas pour toi, fallait pour le Bloc. Ouais, genre, c'était quasiment ça. T'sais, demandez-vous pas ce que le bloc peut faire pour toi, mais ce que toi, tu peux faire pour le bloc, pour paraphraser JFK. Mais ouais, c'est assez donc, spécial. Là, Daniel Payet, cette semaine, annonce en grande pompe qu'il se présente finalement, retire son appui de Fortin, retire son infrastructure. Là, c'est comme dans un soap américain, Les Feux de l'amour, là, la cousine qui est morte depuis 10 ans, qui revient, qui reprend ses enfants, qu'elle a eu avec le fils du père du garagiste d'à côté. T'sais, c'est exactement le même scénario. Mm. Écoute, c'est tellement beau à voir. Moi, je trippe là. Donc, là, Daniel Payet se présente, mais on s'entend pour dire que la course est terminée. C'est Daniel Payet qui l'emporte. Daniel Payet a demandé à Fortin de se retirer pour avoir plus de votes possible, avoir la majorité absolue. Fortin dit... Non, wow, tu m'as déjà donné un couteau dans le dos, là. Je vais rester dans la course, puis on va faire un vrai débat, tu sais, mano à mano. Viens, c'est ça. Fait qu'on va savoir au mois de décembre, début décembre, qui sera chef, mais pas besoin de partir de poule ici. C'est Daniel Payet, le prochain chef du Bloc québécois, à moins qu'il arrive une bombe au sens figuré ou au sens métaphorique, là. Ouais, il arrive de quoi d'imprévu, peut-être? Genre, j'ai du Sepp qui décide de retourner au Bloc québécois, là. C'est pas mal impossible. Puis on sentait que ça tout est là. Tout est avec ça, en fait, est-ce qu'on va pouvoir peut-être penser que le bloc va revenir en force? C'est trop tôt. On verra. L'an prochain, on s'en parlera. Parce que pour l'instant, le NPD commence à faire ses preuves. Les députés qui sont là, ceux qui étaient vraiment inconnus, commencent à se familiariser avec la politique. Et ceux qui étaient des vrais politiciens, comme Alexandre Boulris, entre autres, critiques en matière de finances, c'est une révélation, c'est l'étoile du match jusqu'à présent. C'est la grosse pointure au Québec. Mais pour les nouveaux néo-démocrates, c'est lui qui a réussi à mettre dans le trouble le ministre Tony Clement par rapport au G20 qu'il y avait eu à Toronto, avec la révélation d'informations comme quoi il y a eu du détournement de fonds, puis qu'il y a eu la collusion là aussi. Donc, il a tout révélé ça. C'est l'étoile montante du NPD. Et pour faire une passe sur ma palette, Alexandre Boulris a dévoilé hier qu'il appuyait Brian Topp à la chefferie du NPD. Ouais. Et non pas Thomas Mulcair. Ouais. Que les deux, en fait, étaient collègues ou je sais pas, ils ont travaillé ensemble. De qui tu parles? Thomas Mulcair et... Boulris? Oui, ça c'est clair. Pour le Québec, ils travaillaient main dans la main ensemble puisque Mulcair, c'était le lieutenant québécois du NPD et Alexandre Boulris, c'était la tête montante, la figure montante. Donc, c'était certain que Boulris se faisait lire. Ça, c'était c'est écrit dans le ciel. Et donc, Mulcair s'était rapproché de lui. Mais là, Boulris... va voir où il y a le plus de chances d'être de bien figuré. Exactement. Donc, il est allé voir Brian Topp. Il lui a dit « Je t'offre mon appui ». Ça, c'est une autre très gros gifle à la figure de Thomas Mulcair, mais il ne se laisse pas abattre parce qu'il pourrait annoncer sa mise en candidature dès la semaine prochaine. Son attaché politique n'a rien démenti, donc Mulcair pourrait se lancer quand même dans la course parce qu'il a dit « Je n'ai peut-être pas d'appui des membres à l'extérieur du Québec, mais il y a beaucoup de députés québécois et en dehors du Québec qui m'appuient. Et j'ai jusqu'au mois de mars prochain pour circuler partout. » Donc, il dit, on y va, peu importe. On y va, on passe go, on récolte 200$ et on récolte entre-temps plusieurs milliers de membres pour être sûr de se faire élire ou du moins faire bonne figure. Et si, lui, ça fonctionne pas, est-ce qu'on pourrait peut-être le voir partir? Si, ça dépend parti? Sa performance. S'il réussit à talonner Brian Topp tant dans la course que dans le résultat final, Brian Topp n'aura pas le choix de lui offrir un poste. Quelque chose de bien vu, là. Ouais, genre son bras droit absolu, là. Ou lieutenant du Québec, mais avec des pouvoirs tellement élargis qu'il va être le chef du NPD, mais des francophones. Quelque chose comme ça. Mais s'il fait piètre figure parce que, par division du vote, ou parce que les membres ne sont pas là, Mulcair, il pourrait soit se rasseoir, dire, OK, là, je me calme, je rentre dans les rangs, ou je quitte le navire. Puis il s'en va postuler pour la mairie de Montréal. Ça pourrait être ça. Donc, on verra pour l'instant. Tout va se décider au mois de mars prochain. Mais entre-temps, c'est certain que Brian Topp va accumuler d'autres appuis de taille. Mulcair, les appuis de taille s'amenuisent avec le temps. Donc, lui, c'est les membres. Il n'a pas le choix d'aller voir la base. On sait qu'au Québec, il est très populaire, mais dans le reste du Canada, il est populaire. La nuance est là. Donc, on verra. Et on sait qu'au Québec, il y a seulement 3000 membres. Et il y en a 80 000 au Canada. C'est ce qui fait mal. Donc, s'il pouvait aller chercher un 10 000 membres juste pour lui, ça serait un signe assez flagrant qu'une volonté au Québec d'avoir une voix du nom de Mulcair qui répond à Ottawa pour la chefferie. Mais c'est pas fait. C'est pas fait. Mais pour l'instant, il y a plusieurs candidats qui se présentent. Il y a Brian Topp, Roméo Saganache, le premier Québécois à s'être présenté, Nathan Cullen, Paul DeWar, Martin Sink et Peggy Nash. Peggy Nash, Robert Chisholm et Nikki Ashton sont en réflexion. Donc, s'ils se présentent tous, ça va être une course à 10. C'est beaucoup, oui. Ça va être beaucoup. Mais il y en a qui vont se retirer en cours de route. Si dans les sondages, ils ont 0.2%, ils vont se retirer. Ou ils vont appeler leurs membres à voter pour un autre. Comme c'était fait pour le Parti libéral du Canada à l'époque, avec Bob Rae, Stéphane Dion, Michael Niassef. Ils s'étaient tous présentés. Puis à la fin, il en restait juste deux. Puis c'était Dion qui avait passé. Il en restait juste trois, puis c'est Dion qui s'est foufoulé entre les deux. Donc on s'en souvient. Donc ça, c'était la grosse surprise surprenante. Là. Bon, ouais. On n'a pas encore compris. C'est ça. C'est les jours de la démocratie tripartite. On s'en reparle. Merci beaucoup, François-André. Ça fait plaisir. Merci. À jeudi prochain, à 8h30. Ouais, monsieur. Oui, on finit bien la semaine avec toi. Hein. Ouais, c'est toujours agréable de finir sur une note politique. Là. C'est, ouais, ouais, j'aime c'est ça. C'est une douce berceuse à mes oreilles. Merveilleux. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Replongeons dans le dîner de cons, un certain midi cette semaine. On s'en va avec un Obama Fried Chicken. Ça vous tente, hein? Ça donne bien. On est sur l'heure du dîner. On va aller parler bouffe. Donc, un représentant de KFC en Chine a confirmé au blog Post du Washington Post que ce restaurant n'était pas affilié à la chaîne de fast-food spécialisée dans le poulet frit. Il s'appelle vraiment un OFC, donc le Obama Fried Chicken. Il s'agit donc d'un nouveau fake made in China, donc qui fait suite, bien sûr, au faux magasin IKEA, au faux magasin Apple et autres. Cet OFC n'est pas du goût de KFC qui songe donc à mener une action en justice et également faire fait réagir les représentants de la communauté afro-américaine, comme le révérend Al Sharpton. C'est insultant, c'est offensant et ça joue avec des stéréotypes raciaux, a déclaré ce dernier donc au New York Post. Parce qu'il y a le stéréotype raciaux, pour ceux qui ne le savent pas, là, aux États-Unis, les Noirs, et je veux pas me mettre dans le pied dans la bouche. Eh bien, on dit toujours que c'est des mangeurs de fried chicken. Et puis là, ben, de voir la pancarte avec un pastiche de Obama, une pancarte qui ressemble un peu ou étrangement à OKFC, ça les a choqués. Donc, le Kentucky Fried Chicken a peut-être une part de responsabilité dans ce détournement de l'image de Barack Obama. En effet, la firme avait elle-même utilisé un sosie du président dans une pub diffusée à Hong Kong, ce qui avait déjà provoqué un début de polémique, bien sûr, aux États-Unis, le poulet frit étant avec la pastiche. Steak, un vieux cliché raciste persistant depuis l'époque de l'esclavage. Hein? Tu veux, même dans l'article, on en parle. Rappelons enfin que deux Obama Fried Chicken ont déjà été ouverts à New York. Alors, le OFC chinois est-il raciste ou une simple tentative de surfer sur la vague de l'image de Barack Obama? Eh bien oui, on le sait, à l'Asie, hein, c'est le royaume de la contrefaçon. Vous venez d'entendre les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Vous avez aimé ça? Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 7h à 9h et le dîner de cons de 11h à 13h. Vous pouvez aussi écouter C'est fou en direct et télécharger les balados-diffusions sur cfou.ca.